BLE Radio. BLE. Plus proche des Lorrains, BLE Radio. Game Trip FM, c'est tous les samedis de 11h30 à 12h30 sur BLE Radio. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. T'es sourd McFlan et tu te crèmes anglais. Check ça bien. T'as vu ? Et salut à tous, on est sur Game Trip FM. Alors on s'est trompé, hein, c'est plus tous les samedis maintenant, c'est un samedi sur deux. Mais bon, c'est pas grave. Et ça commence à 11h, bon, c'est pas grave non plus. Donc en fait, cette introduction est complètement pourrie. Bienvenue à tous. Je valide. Oui, je merci. Bloque ces paroles. Votre émission spécialement dédiée aux jeux vidéo, GTFM, comme tous les samedis, une semaine sur deux. Septième épisode cette semaine est un peu particulier, vous allez le voir, puisque nous allons être en direct de Californie aujourd'hui. Peut-être. Peut-être, si tout se passe bien. On va parler évidemment du meilleur de l'actu des jeux vidéo, du rétro gaming bien sûr, en compagnie d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux oldies depuis 11 ans sur internet. Émission particulière donc. À mes côtés aujourd'hui, Ben est là. Bonjour Ben. Salut Loulou. Avec lui, on va comme souvent réfléchir sur les jeux vidéo hein, en profondeur. Ah, pas trop quand non, même. Non, je déconne. Écoutez, raconter ces histoires. Ça veut rien dire réfléchir sur jeux vidéo, c'est impossible. Non, mais de toute façon, tu vas encore une fois nous parler de tes aventures imaginaires. C'est ça, c'est ça, oui, c'est vrai. On va parler de quoi aujourd'hui? De labyrinthe. Ça ouais. veut dire quoi? C'est un labyrinthe, alors du grec labos, okay. qui veut dire... Non, c'est pas vrai. De labyrinthe dans les jeux vidéo. D'accord. Émission particulière, car Jérémy n'est pas là cette semaine avec nous. C'est la première fois, hein. Mais c'est tout simplement parce qu'il est de l'autre côté de la planète, en Californie. Il a participé à la BlizzCon. On va l'appeler dans quelques minutes pour en parler avec lui en direct de là-bas. Il est 9h de moins, donc il est 2h du matin chez lui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il ne répond pas depuis un quart d'heure. Et de nouveau cette semaine, on accueille l'ami Jack. Salut Jack. Eh bien salut les enfants. Tu nous fais le plaisir de revenir une fois n'est pas coutume. On va donc faire rapidement de la pub pour toi, pour tes créations. Tu fais des reprises de jeux vidéo? Ah bah ça c'est gentil, ouais. Non, c'est vrai que c'était pas prévu qu'on me fasse de la promo, mais dis-nous un petit peu ce que c'est. Bah je fais des covers de musique de jeux vidéo. Bon, c'est pas j'essaie de faire des trucs qui sont pas trop connus, donc c'est pas trop vu, mais bon, j'essaie de faire ça du mieux que je peux et puis ça c'est sympa quoi. D'accord. Bah du coup, t'as un lien où on pourrait aller voir ça? Ouais, sur YouTube, vous tapez The Bass Prophet et puis vous trouvez les vidéos quoi. Là, ouais. je suis en train de travailler sur Killer Instinct actuellement, donc il y a quand même pas mal de boulot dessus quoi. D'accord. Bah du coup, cette semaine, c'est toi qui va faire la chronique musique. Et ouais, ça c'est plaisant. Et voilà, et ça ce sera un peu avant midi. Au menu de l'émission également pour cette spéciale qui durera 1h30 aujourd'hui de la BlizzCon dans notre revue de presse de la semaine dans moins de 2 minutes. Le test de la semaine à 11h35 cette semaine, ce sera Wolfenstein The New Colossus, sorti le 27 octobre, donc on vous en parle dans une demi-heure. La musique du jour, notre chronique qui vous fait découvrir les coulisses de chefs-d'œuvre musicaux dans les jeux vidéo, c'est vers midi. Ensuite, on parlera avec Ben des labyrinthes. Et enfin, en fin d'émission, vers 12h15, on va parler évidemment oldies et des dernières nouvelles du moment. Vous avez vous aussi la parole si vous souhaitez participer à l'émission, commenter l'actu avec nous, poser des questions, laisser un message sur Twitter avec le hashtag GTFM, le hashtag BLE Radio. Et sinon, vous pouvez aussi commenter sur la page officielle GameTrip.net sur Facebook. Et en attendant, on commence avec la revue de presse de la semaine dans le monde des jeux vidéo. Et c'est Ben qui s'y colle pour la première. Non ? Concernant les actus de jeux vidéo, j'avais quelque chose. Alors oui, on voulait faire. Oui, le bilan de la Paris Games Week. Oui. Donc organisé par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Le SEL, qui a bien choisi son nom en fait, c'est drôle. Qui est l'organisateur et donc qui a publié le bilan qui est de 304 000 visiteurs pour la fréquentation, ce qui paraît énorme. Ce qui est pas mal, c'est un peu moins que l'an passé quand même. Bien mais pas top. Bah c'était 310 000 l'an passé. Ouais. Bon ça dure 5 jours et demi quoi. L'un des temps forts de l'événement, c'était la conf Sony qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes quoi. J'ai pas le chiffre, mais tu vois la photo, c'est un concert de stars de rock quoi. Pour la présentation de 21 jeux dont 7 exclus PS4, donc Sony ils ont vraiment ils ont encore des exclus, c'est bien. C'est toutes les exclus pendant 15 ans je pense. Donc, gros soutien de Sony pour la Paris Games Week qui s'en félicite et qui se félicite aussi de ils ont publié toute une série de chiffres là, 20% de journalistes en plus accrédités, 20% d'articles en plus, deux fois plus de mentions de l'événement sur les réseaux sociaux. S'en fout. Voilà. Et donc c'est l'année de la diversification avec l'organisation de l'Indiecade, le salon des indés. Ça c'est vachement bien. Qui a accueilli 2000 personnes. Ouf. Arrête de te moquer. Non, mais voilà. Non, mais c'est vachement mais c'est bien, des pros, c'est un salon pro, quoi. Ouais. Donc voilà, 2000, c'est bien. Et le concert Paris Games Week symphonique dont on a parlé, avec un grand Rex de 2800 places, sold out. Sold out. Donc voilà. Ça, c'est marrant, je me suis amusé à comparer avec Lee Tree. J'aime bien que les gens disent E3. Lee Cube. Lee Cube. Ah, free. Trop classe, elle est free. Ouais. C'est américain, donc, oui, bah oui. Qui est sur un modèle très différent, que c'est pas vraiment comparable. Eux, ils ont accueilli 68 000 visiteurs. Exactement. La Paris Games Week a décidé de s'ouvrir depuis cette année, je crois. Non, depuis quelques années. Depuis quelques années. Ouais. Et ouvert au grand public. Vers le 3. Alors voilà, non, tu m'as induit en erreur, Jonathan. Parce qu'effectivement, la Paris Games Week a toujours été ouvert au grand public. Le 3 est ouvert au grand public depuis cette année seulement. C'était déjà comme ça l'année dernière. Ou peut-être l'année dernière, il me semble que c'est cette année. C'est récent, quoi. C'est récent, et en sachant que 5 jours pour la Paris Games Week et 2 jours et demi seulement pour le 3, dont l'entrée pour le grand public est facturé à $250. Oui, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. À Paris Games Week, c'est 20€. Et apparemment, pour cette première année d'ouverture au grand public de l'E3, les conditions d'accueil, c'était déplorable. Tu faisais 5 heures de queue pour voir une BA. Donc voilà, on est bien avec la Paris Games Week. Bah oui, mais heureusement qu'on est bien en France avec la Paris Games Week. On est bien en France. On est bien en France, et les saucissons, tout ça. Moi, je vais vous parler du prochain Hitman. Un jeu presque oldie, s'il en est. Les équipes d'IO Software. Je le dis avec l'accent. Avec cet accent formidable. IO Software. Ils plongent déjà sur le prochain Hitman. Alors, soi-disant, hein, en fait, il y a Hitman Game of the Year Edition qui est sorti. Et à cette occasion, le PDG d'IO Interactive s'est félicité, évidemment, du succès. Un peu comme la PGW. Là. On a eu plein de mentions sur Twitter et tout ça. Ouais. Et ils ont réuni, selon lui, toute la série pour l'instant. Enfin, la nouvelle série. Donc, le Hitman Reboot avec plusieurs. Ça marche un peu comme les Telltale. Il y a eu un Hitman et puis c'est sorti en 5-6 épisodes. Indépendant, avec à chaque fois des mois d'attente entre les deux. Ah d'accord, ouais. Et c'est une saison, ils ont fait ça comme une saison, comme les Telltale, et ils ont rassemblé selon lui plus de 7 millions de joueurs, et donc à cette occasion, il a dit que ça augurait quand même du bon, et que du coup, on risquait de voir une saison 2 vraisemblablement pas avant 2018, voilà. C'est-à-dire que ça augure bon, c'est-à-dire qu'il a plus vendu en faisant un jeu en épisode qu'en sortant. Le problème, c'est bien ça, c'est que en faisant un jeu à épisode, les gens en achètent plus puisque il y a des gens qui, c'est moins cher, et puis il y a des gens qui prennent que un épisode, et sauf qu'on quand on comptabilise au cumul, du coup, ça peut faire 7 millions, alors que bon, je sais pas, j'y ai joué un petit peu, je vois pas de nouveauté par rapport aux anciens épisodes, si ce n'est que tu payes plus au final puisque si tu veux acheter toutes. C'est ça. Tout le truc, t'es à 6 fois, je sais pas, 15 euros, 20 euros. Ah ouais. Ce qui vaut plus cher qu'un seul jeu. 90 euros, à peu près, ouais. Voilà. À la place d'un jeu à 45 d'habitude. Voilà. Et puis, du coup, ça fait du bien à IO puisque, IO, tout simplement, ils ont été lâchés par Square Enix il y a quelques mois. À l'occasion du bilan financier de Square, le groupe avait annoncé une rupture de contrat avec IO. Et du coup, c'est plus eux qui éditent les jeux. Donc, du coup, ça leur a fait un peu mal. Donc, c'est pour ça qu'on va sortir une saison 2, sans doute. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai une autre petite news aussi rapidement. Webedia qui va lancer, ça c'est pour Jérémy, si tu nous écoutes là, de là-haut, qui est en prison à San Francisco. Voilà, Webedia qui lance sa première chaîne française consacrée à l'e-sport, première chaîne française donc qui sera sur les box internet dès le mois de décembre. C'est ce qu'a annoncé Webedia il y a pas longtemps. Et le directeur de la chaîne, et vous le connaissez tous, c'est Bertrand Amard. L'ancien, France Télévisions, celui qui était sur Canal J, non, à un moment. Celui qui faisait Canal J, faisait l'émission de jeux vidéo sur Canal J. Il était pas très bon d'ailleurs à cette époque-là, je trouvais qu'il était un peu nul. Et il est resté un petit peu, moi je le croise encore de temps en temps sur des salons, des trucs comme ça, il est resté un petit peu nul. Dans cette filiale. Et du coup, il a retrouvé une place de directeur de la chaîne qui sera baptisée ES1 et qui sera d'abord disponible sur les box Orange à partir du 1er décembre avant d'arriver sur Bouygues Télécom en janvier 2018, les couilles. La chute du mec quand même, quoi, tu vois. Non, c'est pas mal. C'est pas mal comme taf. Il est président d'une chaîne de, directeur d'une chaîne de. Voilà. Et en fait, Webedia, ils diffusent quand même des émissions d'e-sport déjà sur Bein. Ouais. Ils ont produit des émissions pour la chaîne L'équipe. Et du coup, ils se sont dit, on va le faire nous-mêmes maintenant. Donc, ça rejoint un peu les chaînes consacrées, genre Game One, No Life, tout ça en France. Et en Amérique, il y a déjà ESPN qui fait ça, le gros. Ouais, ils ont été vachement en avance, quoi. Voilà. Ce que l'équipe essaye un peu d'avoir. Ça fonctionne aux States alors, les. Ah, l'e-sport, ça fonctionne partout, malheureusement. Mais on en parlera tout à l'heure dans les catchs. Le catch fonctionne aux States, donc je pense que l'e-sport peut fonctionner. Oui, mais le catch, c'est par vague, c'est-à-dire. Ouais. Moi, je me souviens encore de Hulk Hogan, et puis après, ça s'est un peu tassé. Randy Savage, Macho Man. Ah, Macho Man. Triple H. Oui, bah oui. Bon. Undertaker. Bref. La retraite. Est-ce que tu as encore une petite news? Ouais, une autre news bien mainstream pour parler du démarrage de Call of Duty World War II. Oui, moi, je suis le monsieur Triple A aujourd'hui. Monsieur mainstream. Mainstream avec des chiffres de... Il y a du budget là, aujourd'hui. Avec, on va parler de millions de dollars. De dollars. Puisque le jeu, que vous connaissez tous, que je ne présente pas, a engrangé 500 millions de dollars pour son lancement, ce qui égale presque les 550 millions de Black Ops 3 en 2015. Alors voilà, on fait une comparaison de pépettes comme ça, mais c'est aussi pour parler de ce... Certains diront revirement, d'autres diront retour aux sources concernant la thématique du jeu en lui-même. Dont le gameplay n'a pas changé du tout. Hein. On est sur un jeu de, on est dans un couloir, on tire sur des mecs. Retour donc au thème de la Seconde Guerre mondiale, comme son nom l'indique, qui était qui a fait le succès de la série. Ouais, on est quand même content, quoi. On aime bien cette guerre. Encore des nazis. C'est notre guerre à nous. Mais allez, laissez-nous ça fait longtemps notre qu'on guerre. Les a pas tués, les nazis. Ouais, voilà, ça faisait longtemps. Il y avait la série jaune, notamment Infinite Warfare, qui était un peu qui était bien pourri, sur lequel Sledgehammer comptait beaucoup, enfin a beaucoup bossé. Enfin, le problème, c'est que Sledgehammer est un des studios. Il y a Infinity War, ouais. Sledgehammer et un troisième, et ils s'alternent. Voilà, ils alternent. Donc, il me semblait que Sledgehammer, c'était un peu ceux qui faisaient tous les jeux maintenant, non? De Call of, non? Il me semble qu'il y a encore du Infinity World. Ouais, alors, donc voilà, ça se fait casser la gueule, Infinite Warfare. Donc, ils sont revenus à ce qui avait fait leur succès. Ouais. Et ben, oui. La Seconde Guerre mondiale, apparemment, ça marche pas mal. D'accord. Dernière petite news, il nous reste encore 2-3 minutes. En plus, c'est un truc local, on va en parler. Metz, c'était la grosse annonce de la Paris Games Week, justement. C'était une des grosses annonces. Metz qui va accueillir le SWC, l'Electronic Sport World Convention. Ce sera en septembre 2018, donc l'année prochaine. Jérémy doit être tout content, quoi. Jérémy doit être tout content. La nouvelle est tombée à la PGW. C'est à côté de chez lui, quoi. Vraiment. Et ce sera vraiment à côté de chez lui. Ce sera au centre Metz Congrès, qui va ouvrir à cette occasion. Le centre Metz Congrès Robert Schuman. Ce sera ouvert justement en septembre 2018. Et à cette occasion, ils ont décidé de mettre cette ESW à Metz. Je crois que, alors je suis pas sûr, mais je crois que l'ESW tourne, en fait. Ils ont décidé depuis quelques années de les mettre dans certains pôle urbain. Alors, assez proche du high-tech. De ce que j'ai lu, en fait, ils ont eu plusieurs pôles, ouais, high-tech, justement. Alors là, c'est notamment TCRM Blida qui a permis d'obtenir ce truc-là, parce qu'ils ont pas leader dans le jeu vidéo, mais on va dire qu'ils font des efforts dans ce sens-là. Si, ouais. Et du coup, ouais, je crois qu'il y a 3-4 villes qui sont sélectionnées pour organiser cette compétition. C'est ça. Et Metz, je crois qu'il y a eu les trois prochaines années, il me semble, je ne sais plus. Et il me semble que, du coup, c'est comme tu disais, c'est grâce à TC, enfin, grâce. C'est parce qu'il y a TCRM Blida, c'est parce que. Ouais, donc il y a un pôle d'innovation technique, voilà. C'est ça. Et French Tech. Et aussi parce qu'il y a le premier laboratoire universitaire de jeux vidéo, l'Expressive Game Lab, à l'Université de Metz, avec Sébastien Jean-Beau. Sébastien Jean-Beau, notre ami. Salut. Qui nous écoute pas. Et qui nous écoute pas, mais c'est pas grave. Et voilà, du coup, ça fait plaisir parce que c'est un truc qui est énorme quand même, qui arrive dans le Grand Est et plus particulièrement chez nous à Metz. Et le tout se déroulera sous la bannière Art et Tech. Et puis Game Trip FM sera présent, enfin, je suppose. Game Trip FM, on en parlera tout à l'heure, justement, dans les coups de gueule et les coups de cœur. Il faudrait que je reparle de l'e-sport. Je pense que Jérémy devra nous écouter parce que ça va être sympa. Dans les oreilles qui saignent. Pas forcément pour lui, mais ça va être sympa. Voilà, il est l'heure peut-être d'appeler Jérémy. D'ailleurs, ça me fait penser que Jérémy, il vient de me répondre justement Très bien. Voilà, et il vient de me dire que il ne savait pas s'il avait un forfait qui lui permettait de décrocher à l'étranger sans payer sans payer comme un ouf. C'est peut-être son seul coup de fil depuis la prison, alors l'intérêt à sélectionner. Ah oui, il a dû choisir un coup de fil. Donc on compose le numéro comme chez Julien Courbet. Il y a même le petit bip bip. Ouais ouais, et on va essayer de la voir. Donc Jérémy en direct. Bonjour. Ok, ça marche. Ok. Alors, si vous appelez le standard, vous pouvez laisser un message à Jérémy, je pense, ça doit être possible. Alors on va donner son numéro à l'antenne. C'est donc le 06 10 21. Ah, il reste plus que 4 chiffres à trouver. Mais en plus, c'est la blisque. On rappelle. Monsieur... C'est l'ascenseur émotionnel, ça. On ne s'arrête pas. Si comment on va faire? Bon, et bien à la semaine prochaine. Mais c'est pas grave. S'il n'est pas là. Oh là là. Alors, qui c'est qui imite Vilma, du coup, pour faire... Oh, le directeur du musée. Non, mais c'est Vera. Et non, mais en plus, on s'est dit... Les tu gens ne réponds pas. Bonjour, vous êtes à l'antenne de BL Radio, vous ne répondez pas. Les gens vont dire c'est des mythos. Oui. Game Trip FM, ils disent, ouais, on a un mec à Los Angeles... qui est en convention, et c'est n'importe quoi. Ah, moi, je suis venu que pour ça, quoi. Ça m'a envoyé du rêve par paquet de 12. Il y a vraiment un mec à nous là-bas. Mais il y a vraiment un mec à nous. On va pas réussir à le prouver. Qui était à la BlizzCon. qui est la plus grosse convention des jeux Blizzard, hein, donc Warcraft et toutes ses suites et tout Warcraft, ça. Starcraft, Diablo, voilà. Et qui est la plus grosse convention du monde, BlizzCon justement. Ah, sérieusement? Ouais. Bah, okay. La plus grosse convention du monde sur un et en général pour un éditeur quoi tu et veux... en général pour un éditeur et en général pour un MMORPG ou pour ce genre de thématique. Okay. Oui, c'est eux les gros leaders là. C'est eux qui ont fait ça à l'époque en même temps que le LeCube justement. J'aime bien, en fond sonore, on a la dame d'Orange qui nous dit tout est bien. Je pense qu'elle parle en américain. Orange, hello. Orange, come again. You can't reach your friend. Your friend is not here because he don't have the forfeit. Bon, moi, je suis pas... Parce que Donald Trump avait passé une voix pour interdire les appels téléphoniques du monde entier vers les États-Unis. C'est passé hier pour protéger du terrorisme. Ah, bah oui, bien sûr. Voilà, Jérémy, notamment Jérémy qui pris en plus, skinhead. Voilà. Tous les programmeurs maintenant, c'est les terroristes demain. C'est que ça veut se battre. Là, il a pris une correspondance par Charlotteville, Jérémy, et du coup, on peut pas l'appeler. Faut quand même qu'il fasse une photo depuis les États-Unis avec un truc avec marqué Game Trip FM, comment qu'on puisse le prouver. Heureusement que personne ne nous écoute. Ce serait pas mal. Heureusement que personne. Voir le CSA. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit. Bon, alors du coup, on va passer une petite musique. Il y a un mec sur Facebook qui dit je suis déçu, j'attendais cette interview avec impatience. Mais non, mais on vous jure que Jacques c'est vrai. Prophète, le salaud. On vous jure que c'est vrai. Bon, on passe une petite musique. On va passer une petite musique, tout simplement. Et puis, on va essayer de le rejoindre hors antenne. Et puis, on essaye de revenir juste après avec Jérémy, donc, qui est en direct de Californie. On vous jure que c'est vrai. Restez avec nous, on arrive juste après. Riley, Taz, yeah. Set me free or give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. Little whispers in my head, man, is you fake or loyal? Why no water, death is sign of baby, pick your poison. These little demons living underneath my bed, creeping. Know the real monster lives above them all, sleeping. That subtle breathing in your closet every single evening. Thought you never see me again, looks can be deceiving. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Huh, here we come. Here we come. Here we come. I used to think that people die because they wicked. Nowadays, people want to see you dead because you gifted. Been ready for my tomb since I came up out the womb. So no matter what, I'm coming back and paying you a visit. Saw it coming, I predicted, but y'all wouldn't listen. No, you can't protect your riches if you never burn bridges. Flip pages, went places, made changes, still dangerous. Now I'm back, altercation, hold still. I make it painless. How it feel, baby? When you say you love me, is it real, baby? Full speed, both hands on the wheel, baby. Young Taz coming from the Mobile, baby. You know the drill, baby. Yeah. And when you hear the sound of the drum, we'll be saying, here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Here we come. Yeah, here we come. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. BLE Radio. Ouais, comme disait Ben hors antenne, le on arrive est un peu ironique de la chanson, puisque on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas. Depuis tout à l'heure, on essaye de joindre notre correspondant en direct à Anaheim. Anaheim. Où se trouve la convention en Californie. Également l'équipe des Mighty Ducks qui a été largement popularisée par son logo dans les années 90. On essaie de gagner du temps en meuble un peu. Oui, non, mais. Bah, mais toi, je ne savais pas, par exemple, j'ai appris des du trucs. Coup, Anaheim. Vu qu'on n'y arrive pas. Hein, on va passer tout de suite au coup de cœur et au coup de gueule, comme on dit dans notre pays. Les coups de cœur et les coups de gueule. Ici dans le sud de la Lorraine. On commence avec toi, Ben. Ouais, je vais vous parler de un petit documentaire qui a été diffusé. Bah, c'était pendant la Paris Games Week. Oui. Voilà. Donc sur les femmes dans le jeu vidéo, réalisé par Crush Productions. Mm-hmm. Pour que vous trouviez tout ça sur internet, hein. Bon, vous tapez documentaire femme jeu vidéo, apparemment normalement vous devriez tomber dessus. C'est un truc assez bien foutu. Non, alors c'est un coup de cœur, hein. C'est parce que les gens vont dire c'est un coup de gueule. Oui, c'est parce que la semaine, il y a deux semaines, t'as un peu, tu veux te faire rattraper pour les trucs que t'as dit sur les femmes il y a deux semaines. Ouais, c'était des propos de vestiaire, comme dirait Donald Trump. Exactement. L'importance. Non, pas du tout. Oui, alors d'accord. Donc c'est très bien fait. C'est apparemment la première partie d'une trilogie de petits documentaires. Ça fait un quart d'heure. Alors le thème, c'est pas les femmes dans les jeux vidéo, les personnages féminins. C'est vraiment les femmes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo et la question de leur représentativité. Alors on a combien d'intervenantes? Peut-être 8 ou 10 intervenantes qui travaillent pour des boîtes comme Ubisoft, Rare, Electronic Arts, Asobo Studio, que je ne connais pas. Tu connais, toi ? Non. Asobo Studio, probablement un indé. CD Projekt Red, qui est un peu plus connu, et Bethesda France. Et on a aussi la directrice du CEL, puisque le syndicat qui ne verse pas organisé d'argent pour faire de la publicité. Ceux qui ont organisé la Paris Games Week, la directrice, c'est une femme. Oui. Donc, elles disent un peu toutes que, voilà... Le problème principal, c'est que elles sont encore cantonnées, même si elles sont plus acceptées qu'avant. On est passé de 15 à 20% ou de 13 à 20% de femmes dans le secteur du jeu vidéo par rapport à il y a quelques années. Donc tout ça, c'est plutôt positif. C'est un peu comme ce qu'a connu le domaine de l'animation il y a quelques temps, où maintenant les femmes sont assez bien représentées. Mais dans le jeu vidéo, elles sont toujours un peu, ce qu'elles disent, c'est qu'elles sont toujours cantonnées dans des domaines un peu plutôt, par exemple sur la narration. On dit oui, les scénarios, les femmes racontent des histoires, elles ont de l'imagination, mais tout ce qui est technique, ça bloque un petit peu, quoi. Des développeuses, il y en a encore assez peu. Et que, bon, voilà, tout ça fait partie d'une culture globale. Enfin, c'est pas le seul secteur qui est touché. En tout cas, c'est bien fichu. Elles parlent de leur vocation, quoi, finalement. Il y en a pas mal qui se sont reconverties là-dedans. Alors qu'elles avaient des... Il y en a une qui est, je crois, qui a un doctorat en anthropologie ou un truc comme ça. Donc, elle avait un niveau d'études assez élevé ou des niveaux de directeurs commerciaux, et ils sont reconvertis dans le jeu vidéo. Par passion, et peut-être aussi parce que c'est un secteur qui est en plein développement. Mm-hmm. En tout cas, c'est un coup de cœur parce que c'est intéressant, et puis c'est bien d'en parler, voilà. Je vais rebondir sur ton truc là, parce que sur les femmes dans le jeu vidéo, j'en profite pour parler de Sailor Sat. Est-ce que vous connaissez Sailor Sat? Non. Alors Sailor Sat, c'est vrai que les femmes dans le jeu vidéo, tu dis, c'est pas courant. Sailor Sat, c'est celle qui a développé le système de 15 kHz pour les bornes d'arcade à partir d'un PC. Donc d'accord. C'est des trucs ultra techniques, ultra pointus, et ça se concerne que des poilus, et c'est une nana qui développe le truc. Donc elle montre des photos de chez elle, il y a 8 Daytona USA qui sont linkés, d'accord. C'est juste incroyable. Et là, elle est en train de travailler sur la possibilité de mettre en réseau les jeux de Sega Model 3. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est Scud Race, Daytona USA 2, Sega Rally 2. Et donc pour l'instant, ils bloquent encore sur le système réseau quand même, d'un système qui date de 98, et c'est elle qui travaille dessus. Ouais. C'est quand même super classe, ouais, non, mais voilà. Ouais, c'est leur set, je pense que personne ne la connaît, mais c'est quelqu'un qui a vraiment fait avancer tout ce qui est bande d'arcade, et je trouve ça cool. Ça rentre dans ce que tu disais sur les femmes dans le jeu vidéo. Et bah, du coup, tant que t'es là, tant que t'es debout, est-ce que tu as aussi, toi, un coup de cœur ou un coup de gueule? Moi, je vais faire un coup de gueule, comme d'habitude. Je crois que je vais faire comme l'Undertaker qui n'a fait que des victoires à WrestleMania. Je vais faire que des coups de gueule, comme ça, ça correspond plus à mon image. Je vais faire un coup de gueule contre les youtubeurs, encore un. parce que régulièrement, on va sur les trucs d'ordinosaures, Amiga, Atari, des gens qui disent « Ouais, mais là, regarde, il a dit qu'il racontait de la merde !» Et le mec, il montre un Amiga en disant « T'as vu, j'ai trouvé un vieux PC !» Et le problème, c'est les gens qui racontent des inepties sur Internet sont ceux qui sont le plus repartagés derrière. Donc, moi, je leur dis « Ben, au bout d'un moment, laissez-les dans l'anonymat légitime qui devrait être le leur. » Et non, c'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe, et plus on les partage. Alors que dès que tu vas faire un contenu de qualité... ça marchera pas. J'en avais parlé avec quelqu'un justement de Blida qui était dans les réseaux sociaux et ce genre de trucs. Il me dit, maintenant le contenu de qualité, c'est pas un contenu rentable. Il faut mieux faire un contenu pourri qui se partage. C'est un peu décevant parce que là j'ai encore eu une conversation récemment avec un mec qui m'assurait que Loadrunner et Bomberman n'étaient pas liés, alors que ben si, c'était la même boîte de production. Donc bon, j'ai pas envie de faire le type prétentieux, mais quelquefois, ne serait-ce qu'un peu de recherche, ça ferait pas de mal à certains, quoi. Oui. Et on va balancer des noms. Non. Balancer des noms et des balance liens. Ton des liens. Balance ton youtubeur. Balance ton youtubeur. Ouais, ça serait long, quoi. Alors moi aussi j'ai un coup de trois coups de gueule, mais c'est parce que j'ai l'habitude de t'entendre faire des coups de gueule, c'est pour ça. Ah bon, pas du tout. Non, bah alors moi aussi Jérémy, j'ai un coup de gueule. Des coups de gueule. Et alors Jérémy qui nous entend pas du coup, sans doute parce qu'il est donc en prison en Californie. Mon coup de gueule, moi, c'est l'e-sport. C'est pas possible. Du fait qu'il n'était pas là. Alors justement, j'allais te dire, vous allez penser que j'en profite justement qu'il soit pas là. Et en fait, non, c'est parce que j'en ai plein le dos. Petit contexte. Il y a 10 ans, on a lancé Game Trip. les oldies, il y a 11 ans, les oldies, c'était classe. Pas la hype. Non, c'était pas la hype. C'était, ouais, c'est pas vrai, c'était moins la hype. Voilà. Puis d'un coup, ça a débuté. C'est devenu la hype. T'as tous les gros sites sérieux de jeux vidéo qui ont commencé à faire une rubrique oldies. Il y a eu des sites spécialisés qui sont sortis. Les prix ont monté sévèrement. Et voilà, les sites sérieux qui faisaient des papiers, ces geeks étonnants qui kiffent les vieux jeux et tout, tu vois. C'est vrai. Bon, maintenant, c'est la même chose avec l'e-sport. On en bouffe à toutes les sauces. Il y en a partout. Alors, sans déconner, la juste, télé, quoi. Juste sur la dernière mission, c'était il y a 15 jours. Entre la dernière mission et maintenant, voici les mails que j'ai reçus à la rédac de GT. C'est véridique. En l'espace de 2 semaines. Mail de Webedia lundi soir, dépêche AFP, ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport, on en a parlé tout à l'heure. Mardi après-midi, e-sport, le SWSC s'installe à Metz pour 3 éditions consécutives, dépêche AFP, article du Répu, machin. Mail, 3 mails. Jeudi matin, e-sport amateur, les prochaines compétitions Helios Gaming, une nouvelle date à noter dans votre agenda. En plus, ce sera Bar-le-Duc et Montigny-les-Metz le 25 novembre prochain. Merde. Voilà, voilà. Ensuite, cette semaine, Française des Jeux lance son site de Paris en ligne dédié à l'e-sport. Je vous passe, passe tous les mails liés aux organisateurs. Lidl, il est bon, Jérémy, ça va, je peux parier sur lui, quoi. Lidl lance son rayon e-sport. Ouais, ouais, des mails liés à l'organisation du PGW qui ne parlait que de ça. Tous les mails liés au PGW cette année, ça parlait que de ça, en gros. Là, il y a quelques jours, l'e-sport célébré à l'Assemblée, l'équipe de France Overwatch félicitée pour sa 4e place à la Coupe du Monde. Ça va, on a compris. C'est incroyable. L'e-sport, c'est génial. L'e-sport fait vent. L'e-sport guérit le cancer. L'e-sport change les couches de tes gosses. Messieurs, mesdames, les communicants, on le sait. L'e-sport, c'est un business de fou. On a compris. Depuis quelques semaines, j'ai l'impression que les éditeurs, les responsables presse doivent au minimum balancer une information e-sport par semaine. Et ça commence vraiment à me gonfler parce que on est d'accord, c'est peut-être pas une hype, ça va sans doute continuer, c'est pas un truc qui va faire pchit dans les 2 jours, comme les oldies à l'époque, hein, c'est devenu une hype, puis finalement maintenant c'est un peu rentré plus ou moins dans les mœurs. Tout le monde a sa mini. Mais bordel, c'est pas en nous plombant les cervelles que les types comme moi qui s'en foutent de base vont commencer à aimer la chose. Et ceux qui de toute façon s'intéressaient avant seront pas plus intéressés maintenant qu'avant. Donc ça sert à rien de nous plomber le melon. C'est pas contre-productif justement, tu vois. Mais pour moi, pour certains, ouais, moi aussi c'est vrai. Pour le coup, pour moi, ça comme déjà moi le e-sport ça m'intéressait pas, mais j'en ai encore moins quelque chose à foutre maintenant parce que je le vois partout. Il y aura des curieux quand même, même des joueurs de jeux vidéo. Il y aura sans doute quelques petits curieux. Surtout des fans d'e-sport qui viendront à la machin à Metz, ouais. À la machin. Mais ils se déplaceront en tout cas. Ils se déplaceront pour découvrir. Ouais, il y aura des Parisiens, il y aura des voilà qui viendront assister. Après, pour défendre l'AFP entre à côté de la gare, entre septembre et Noël, il y a rien quoi. C'est-à-dire les mecs ils essaient de blinder à chaque fois en les programmes. Vidéo, c'est ouais, peut-être ça. Quand il y a pas d'attentat, les mecs sont tristes. Il y a une rubrique jeux vidéo. Peut-être il y a le responsable jeux vidéo de l'AFP qui s'ennuie un petit peu. Ah, c'est le neveu du directeur. il a 11 ans, je crois. Ouais. Et ben moi, du coup, j'en ai plein le dos. Et merci d'arrêter de nous spammer avec ça. Merci. S'il vous plaît. Donc pas de compète de Tetris alors. Non, rien du tout. Pas de e-sport. Jamais. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. BLE, votre radio de proximité. Oh, le directeur du musée est de retour. Running gag de la... Mon micro, s'il te plaît. Oui, running gag de le jour. Running jour, imitation de... Si vous trouvez l'imitation, vous gagnez un exemplaire de Call of Duty World Warfare 2. Ah bon, tu en as un? Oh, j'en trouverai un, parce que personne n'appellera. Attends, j'envoie un message à ma femme. Ah non. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez parler avec nous, puisque on n'a pas, évidemment, notre correspondant en direct de Californie, on essaye de l'appeler, hein, depuis, on essaye vraiment de l'appeler en continu. Jérémy! Depuis 20 Jérémy, minutes, il n'entend pas. Il n'entend pas, parce qu'il est vraiment en Californie, on vous jure, c'est vrai. Bah, il n'est pas là, quoi. Est-ce qu'on en tout cas, on mettra des photos, il mettra des photos de son, ouais, de son trip sur Facebook. Sur la page Facebook Game Trip. Sur son Game Trip. On mettra sur la page, et pour vous prouver avec un exemplaire de la radio, j'allais dire. Son billet d'avion et de son billet d'avion. Prouvez-nous le contraire, vous repartez avec un exemplaire de Call of Duty. Exactement. N'oubliez pas les pages Facebook GameTrip.net, BLE Radio officiel pour nous parler, donner votre avis aussi, hein, et puis nous, aussi le hashtag BLE Radio sur Twitter. On va passer du coup, la conduite est complètement bordélique, je ne sais plus où on en est. On va passer au test de la semaine avec Jack. Le test de la semaine... c'est sur Wolfenstein The New Order, donc c'était annoncé The New Colossus, était annoncé à l'E3 2017. Il est sorti il y a deux semaines, le 27 octobre, et c'est une suite de Wolfenstein, qui est elle-même une suite de Wolfenstein, de Return to Castle Wolfenstein, qui est la suite du premier Wolfenstein en 2D. En 2D, en 81. Ouais. Et qui s'appelait Castle. Non, qui s'appelait Castle. Non, ça c'était après. On a attendu un petit peu pour l'avoir. Ah, c'est vrai, pardon. Ah, c'est pour le côté culturel, ça. Le tout premier est sorti sur Apple 2, je dirais. Apple 2, C64 et Atari 400. Yeah. Ah ouais. Ah, ouais. T'as gagné un exemplaire de Call of Duty. Ouais, ah non, pitié, j'y joue pas. Et du coup, maintenant, ça s'appelle The New Colossus et on va dire que c'est le 2 du reboot. On va écouter juste rapidement le trailer de gameplay. Oh, le beau Peggy 18. Ouais, le beau Peggy. On aurait dit une représentation de l'enfer de Dante. Ce sont des monstres. Pas des monstres. Des hommes. Elle doit plus savoir ce que c'est de se battre. Elle fait tout ce que ce putain de fureur lui dit de faire. Ça va faire fureur. C'est pour ma blague. Il faut changer tout ça, Grace. Avec la voix de Patrick Poivet, de ce Bruce Willis. Au peuple américain. Allumer le feu de la révolution. Allumer. Tu veux terroriser les nazis? Alors, Jack, tu veux foutre on entend un petit peu, là... Bordel. Le thème, le thème principal. Ah oui, c'est pas mal du tout d'ailleurs. Alors, dis-moi. Bon alors, j'ai écrit ma chronique, donc je vais commencer par... Zig Allez, ça y est, je pense que j'ai l'attention d'une grosse partie de l'électorat de Hayange. Blague à part, ce mot loin de me rappeler les heures les plus sombres de notre histoire, me rappelle plutôt Wolfenstein 3D. Et donc oui, voilà, je fais un peu de lèche quand même. Bah oui, Game Trip, on fait du oldies, et ça tombe bien, vu que la suite de ce jeu de Apogee Software est sortie le 23 octobre dernier. Donc, le premier jeu Wolfenstein 3D, on en a parlé, c'est vraiment le premier Doom-like, ce qui est surprenant que ça s'appelle pas un Wolfenstein-like d'ailleurs, parce que... C'est trop compliqué, je pense. Ouais, voilà. Doom, c'est plus... Doom, c'est mieux. En plus, c'était la même boîte, c'est avec John Romero et des softwares. Et si vous ne savez pas pourquoi on dit id Software, allez sur GameTrip.net, on vous a fait un article pour vous expliquer pourquoi. C'est pas nous dire plutôt? Non, parce que je me rappelle plus. D'accord. Je regarderai ça avec attention. Et donc, Wolfenstein 3D, à l'époque, ce qui était sympa, c'est que c'était un des premiers jeux shareware, donc on pouvait partager gratuitement. Et ça, c'était plutôt cool. Et moi je me rappelle avoir fait la démo un paquet de fois parce qu'il y avait trois niveaux, donc c'était quand même sympa. Et donc pourquoi Zig Heil? Alors c'est pas une obédience à Fabien Engelmann, hein, c'est juste parce c'est que bon, on a compris, je pense. Oh, des problèmes. Juste, ça je le couperai pour le podcast. Non, regarde, lui si t'as au moins le mec là qui écoute, après t'es certain d'avoir, il va être là sur il tous les écoute, trucs qu'il écoutera. Mais il nous écoute, il nous écoute. De toute façon, on est sur écoute. Hein. Il nous écoute en direct du tribunal. Hein, il est là d'ailleurs. Voilà. Mais je pense pas qu'il aime Wolfenstein 3D parce que malheureusement on doit tuer des nazis à la brouette entière Et donc voilà, alors on va donner voir ce que ça donne la suite des aventures de William Blazkowicz. Hein. Alors j'avais regardé, c'était le même nom que dans Wolfenstein 3D. C'est le même personnage. C'est le même personnage. Même personnage. Donc bon, comme j'avais dit la dernière fois, j'ai un PC qui est pas trop récent, il doit avoir 3-4 ans. Et un Apple II d'ailleurs. Un Apple II, et ça tourne très bien sur Apple II avec une bonne carte graphique et quelques soudures. Mais j'ai une carte graphique qui tient la route, donc une 4 Go, une ATR 7, et la première constatation du jeu, c'est beau. C'est très beau, c'est fluide, c'est nerveux, c'est jouissif. Le concept original de John Romero consistant à blaster du nazi fait encore recette. Ça marche très bien. Ça m'a l'air même un poil plus gore que New Order. Ça, là, c'est... Ce qui était déjà bien gore. Ouais, voilà, mais là c'est vraiment gorichon. J'aime bien cet adjectif, je ne connaissais pas. Ouais, ouais. Alors, moi, le premier truc qui m'a un peu gêné dans le jeu, c'est que William a pris cher à la fin de New Order. Alors, attention, c'était pas un spoil parce qu'il y a un résumé au début du jeu. Donc, on est vraiment sur la suite de New Order. Suite directe. Voilà, suite directe. Donc, bon, pour ceux qui n'ont pas fait, c'est dommage. Du coup, on joue un type à moitié éclopé, hein, c'est-à-dire, à la fin, il prend une méchante explosion. Et donc, à moitié éclopé, juste à moitié, ben ouais, parce qu'il y a une grosse partie du jeu, on a que 50 points de vie. Et par contre, on récupère une armure qui tient la route, et ça, c'est plutôt cool. Peu de vie, du coup, le jeu est extrêmement punitif en comparaison avec la version précédente. Hein, c'est-à-dire, 3 coups de latte, quand l'écran commence à devenir rouge, ben c'est déjà trop tard. On peut courir, c'est mort, hein, même s'il y a. Ce que les mecs sur un blog jeu vidéo n'aiment pas, c'est qu'on a la vie qui revient, mais elle revient très lentement. Et en général, vu qu'il y a au moins une dizaine de nazis en face, peu d'espoir de rédemption. Ça revient un peu au thème qu'on avait eu sur la difficulté dans les jeux vidéo il y a 4 semaines. Ouais, ça me fait penser que dans le dernier... la vie qui remonte, bah dans le dernier Call of, ils le font plus. Voilà. Et ça, c'est les trucs que les gens n'aiment pas parce qu'ils ont l'habitude d'être assistés. Ah bah là, l'assistance elle est limite quoi. Oui. Donc avec l'ambition qui me caractérise, j'ai pris le mode de difficulté Bring Them On et bah là du coup ça révèle un peu trop balèze. Donc au fur et à mesure on finit par s'habituer, mais je pense que les meilleurs joueurs ce sont qui auront fait les deux jeux à la suite. C'est moi j'ai perdu un peu de skill quoi. Voilà c'est quand même. Faut les enchaîner quoi. Ouais là j'ai perdu l'histoire. En plus Evil Within c'est absolument pas la même jouabilité, même gameplay donc du coup voilà. Alors pour l'histoire, hein, je vais raconter un petit peu le scénario, on commence dans le sous-marin nazi qui a été volé dans l'épisode précédent et on se fait défoncer par Frau Engel qui est pas contente. Donc ce qu'on a vu c'était la nana qu'on voyait dans les trailers de New Order. Ouais, c'est celle qu'on entend au début là, dans le celle avec la voix de Velma là. Alors je ne sais plus parce que je crois que il y a une seule personne qui parle. Elle en parle justement je crois. Ah bah on va réécouter, on va voir ça. Alors on va pas tout réécouter mais... Elle dit... une représentation de l'enfer de Dante. Bah non, parce qu'elle, pour elle, c'est pas l'enfer, c'est le paradis, vu qu'on gagne. Non, ça c'est Grace, c'est une blague qui récupère à New York assez tôt dans le jeu. Et voilà, qui explique un peu le truc. Hein. Mais bon, on est déjà à un quart du jeu hein, quand on arrive à ce personnage-là. Donc Frau Engel, non, c'était pas la grande méchante du jeu précédent, mais elle était pas sympa quand même. Oui. Et principalement parce qu'elle était nazie d'ailleurs. Exactement, et on défonce son petit copain à coup de hachette dans l'épisode précédent, donc bon, là, elle est pas contente. Et puis les nazis ont gagné, donc on arrive dans les années 60-70 aux États-Unis avec des nazis qui ont réussi à aller là-bas plus ou moins sous obédience américaine, donc ça a pas dû leur plaire. Ils occupent le territoire, pays, voilà. C'est une uchronie avec les nazis qui ont gagné. Alors s'ensuit un passage, il faut redire lequel des deux joueurs on avait sauvé dans l'épisode précédent. Je sais pas pour ceux qui l'ont fait, mais à un moment on a un passage assez sale d'ailleurs. On a le boucher qui nous demande de choisir entre un gars ou l'autre, et là bah on revient dans le même choix là. Hein. Donc moi j'en avais pris un, c'est cool, il se fait couper le bras, puis il a un bras bionique, mais mon connard de neveu a effacé ma sauvegarde. Donc, du coup t'arrives sur un mec qui se prend juste un coup de latte dans la tête et qui devient juste con, alors du coup le jeu est un peu moins agréable. Au mieux qu'il ait un bras en moins et bionique, qu'il soit juste con quoi. C'est voilà, il faut que ça, on a des armes différentes. Bionique, on a des armes différentes. Alors sur la première arme, c'était un machin qui faisait disparaître le métal, donc je trouve que c'est juste épique. La musique musique métal. Voilà. Toute l'émission du jeudi soir disparaît. Exactement. Et l'autre, en fait, c'est un machin qui marche avec de l'essence et qui balance des petites grenades, mais vu que c'est hyper lent, c'est quasi inutilisable. Donc, c'est peut-être parce que je suis nul. Hein. Faudra voir ça avec Jérémy qui doit être peut-être un peu meilleur que moi. De toute façon, il est en train de dormir en prison. Ouais. Donc après. Et on entend la musique de Wolfenstein 2. De cet épisode-là, Musique de Noël, mais de nazi Noël. Faussement guillerette. Voilà. Donc je vais faire comme à l'école, hein, c'est-à-dire je vais commencer par les critiques pour finir sur un truc positif, parce que le jeu, je le trouve plutôt cool quand même. Ah. Donc 50 points de vue au début, c'est vraiment une blague. Bon, après avoir un peu joué, c'est un rouage du scénario, mais une grosse moitié du jeu, c'est chiant. On voit moins les dégâts, ça saute moins à la gueule. Hein, c'est-à-dire dans le New Order, dès qu'on se prenait des coups de latte, on voyait tout de suite que l'écran devenait rouge, le sang, les trucs là. Donc là, on le voit moins, donc c'est galère. Quand l'écran devient rouge, ben virtuellement, on est mort. Et le mode furtif, à oublier, même en faisant gaffe, on finit par se faire repérer, ça finit en fight. le jeu n'est clairement pas orienté infiltration. Ouais, c'est pas Dishonored quoi. Non, alors c'est rigolo parce que l'infiltration, on y va à coups de hache, on défonce des membres. Enfin, c'est... Ah, c'est de l'infiltration ça fait. Ouais, non, c'est. Infiltration, c'est le mec n'entend pas le gars se faire défoncer à coups de hache, c'est vraiment. C'est tuer 200 personnes sans qu'il te voit. Parce que moi je me rappelle avoir fait des Hitman en mode infiltration avec, avec Max, si tu m'écoutes. Des Hitman où on était en mode infiltration et c'était jonché de cadavres sur toute la map. Donc ça, c'est de l'infiltration. Voilà, c'est propre. Donc là, on doit avoir les nazis les plus sourds du monde. Hein. Donc c'est, bon, l'infiltration, bon, c'est justement l'intelligence artificielle, elle est comment des ennemis. Ouais, ça va, parce que là les mecs, ils arrivent, soit ils sont aveugles, soit ils voient à travers les murs, donc ça équilibre. D'accord. Bon, ça c'est une critique c'est que j'avais vue sur un site. C'est une critique que j'ai vue sur un site. Disons que les bon, des fois c'est un peu teubé pour l'infiltration, mais après quand ils t'attaquent, les mecs ils t'attaquent vraiment, quoi. Ils rigolent pas. Ils font des détours, ils passent derrière toi, ils restent pas juste devant. Donc il y a plusieurs reprises, tu dis ah zut, il y en avait un derrière. Non, c'est relativement fait de façon intelligente hein, quand même. Là, comparé à Evil Within avec les zombies, là les nazis ils sont pas là pour beurrer les sandwichs quoi, comme dirait l'autre. Hein. D'accord. Non, alors c'est justement peut-être là où je me suis fait avoir, je dis ah mais zut, ils sont pas cons. Donc du coup, je me suis quand même fait défoncer un paquet de fois. Hein. C'est presque du die and retry. Peut-être parce que je suis nul. Après, j'encourage quiconque à essayer le jeu. Pour comme ça, vous mettrez ça sur BLE Radio, sur la page Facebook, savoir Jack Prophet est nul au jeu vidéo. Mettez juste Jack Prophet est nul, ça sera trop bien. On veut le hashtag en top tendance. Hein, Jack Prophet est nul au jeu vidéo. Voilà. Jack Prophet est nul, hashtag, vous pouvez mettre ça sur ma vie tous les jours, ça passera très bien. Et alors bon, pour les côtés positifs, hein, c'est beau, très fluide, même sur une machine pas de guerre, donc le jeu est quand même pas mal optimisé. Ça a l'air magnifique, franchement. Ouais, c'est beau. La bande-annonce que j'ai vue, là, c'est magnifique. Ouais. J'ai adoré les cutscenes, Certaines sont un peu longuettes, donc des fois on s'emmerde un petit peu quand ça papote. Mmh. Mais après, il y en a certaines, ça raconte vraiment une histoire, donc on est vraiment pas que sur du blast, il y a vraiment un scénario comme à l'époque d'Half-Life. Et ça participe vraiment à l'immersion, quoi. Mmh. Alors là-dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai adoré un passage en immersion dans une ville des USA. Il n'y a pas de blast, mais une immersion dans une ville américaine sous joug nazi, avec des dialogues vraiment fun. Donc là, on n'a pas les armes, on est quand même en mode jeu. Mmh. Et puis là, on voit un officier nazi parler à deux mecs du Ku Klux Klan. Et un certain Donald Trump. Et voilà, et le mec, donc, très amical, hein, le nazi en question. Donc vous voyez un petit peu le design des personnages. Et puis il leur tape sur l'épaule. Ah, c'est quand même bien maintenant que vous êtes adapté. Alors bientôt, il va falloir parler allemand. Hein, alors, comment on dit merci? Alors, vous voyez les deux mecs du QQQ. Dan Koshwen. Et puis après, les mecs se font défoncer. Donc on voit, c'est à peu près similaire à ce qui se serait passé. Si c'était vraiment arrivé, quoi. Ouais. C'est-à-dire, si un Trump était au pouvoir, par exemple. Ben on voit que les Allemands étaient, ils ont beaucoup profité de la collaboration pendant la guerre, mais ils n'aimaient pas les collaborateurs. Ouais. Donc c'était le gros paradoxe. Et là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, bien que les mecs soient du Ku Klux Klan, certainement pas des gens très fréquentables, ça aurait pas forcément été les potes directs. Je trouve que justement, le scénario de ce point de vue-là a été fait de façon intelligente. Donc historiquement ça tient le coup, ça tient la route, ouais, puis ça fait pas l'apologie, voilà. Mmh. Alors la note 12 sur 20, c'est une bonne partie du jeu. Oh. 17 sur 20 quand l'histoire bien. Ah. Ben oui, mais 17 sur 20 quand l'histoire commence à s'ouvrir un peu, voire même 18. Donc la dernière heure. C'est ça, dernière. Ben là je suis à peu près à la moitié du jeu, là je commence vraiment, parce qu'en fait tout ce qu'on voit dans le trailer, à savoir les trucs dans les villes dévastées américaines avec les bus, les machins là, tout ce qui fait la saveur un peu de la des villes des années 60 aux États-Unis. Ça n'arrive pas avant un bon quart, moitié du jeu. Mmh. Au début, on est beaucoup dans le sous-marin et c'est pas hyper palpitant, on va dire, quoi. Après, ça commence vraiment, bon, c'est vrai que ça monte crescendo. Là, sur la fin, ça commence vraiment pour le mec qui se fait défoncer dès le départ par les nazis et qui n'arrive pas bien dans le jeu, il peut vite être désespéré, quoi. Okay. Hein scénario vraiment sympa, gameplay nerveux, jeu vraiment beau, un must have, à ne pas comprendre d'ailleurs pourquoi les prods de Bethesda sont surpassés par Assassin's Creed, parce que je trouve qu'ils ont fait deux bons jeux et au niveau des ventes, Assassin's Creed il démarre à fond. L'Origin, mais parce que l'Origin est très bon aussi. Peut-être. Et puis c'est un retour aux sources. Wolfenstein, le plus précédent, il avait pas hyper convaincu non plus. Il a peut-être un peu cassé la. Non, Nuremberg était bon quand même. Mais après bon, c'est quand même un public depuis 18 ans. C'est quand même. Ouais, et puis c'est une franchise qui est connue de certaines des gens un peu âgés. Peut-être. Ah, il y a sûrement des joueurs qui ont commencé à s'y mettre avec le. Oui, c'est sûr. Le new order. C'est plus mainstream, on va dire. Assassin's Creed, je pense, c'est peut-être pour ça, quoi. Et donc, c'est pas un coup de gueule, mais ça m'a juste fait rigoler. Donc, la version allemande, et en plus, ça va rebondir sur la chronique musique de tout à l'heure. C'est fantastique. La version allemande, donc, on a un Hitler sans moustache. Pourquoi l'Allemagne a une politique très stricte en matière de représentation du régime nazi. Ouais, et régime très strict. Donc du coup, vous avez Wolfenstein sans les nazis. Ah ouais. Donc en fait c'est les mêmes mais sans les designs quoi. C'est-à-dire les Stormtroopers du premier ordre de Star Wars. Ouais donc bon je vais pas faire la version allemande pour voilà donner les différences mais déjà à l'époque sur les zombies. Il y a pas de croix gammée, il y a pas de. Voilà et il y a pas Hitler surtout hein. Hitler sans moustache donc ça fait juste un petit vieux. Alors moi je l'ai pas encore vu hein, Hitler donc. À la place il y a Henri Salvador. et ben presque. Presque, à qui me fait penser? Ben là, on est en plein dedans, par l'ordre nazi. Kevin Spacey, là, qui est sur scandale sexuel. Ah oui. Ça ferait Kevin Spacey, sans moustache, en plus vieux, voilà. D'accord. Grosso modo. Attends, Hitler, peut-être lui, attends, peut-être il l'a. Ah bah, tiens, jette un coup d'œil, ouais, sur le net. Hitler, The New Colossus. Mais en version allemande, il faut le trouver, okay. Alors voilà. On voit des photos. Parce que vous ne voyez pas. Parce que là, ils ont des petites. Tu mets German version. Différence German, peut-être. German difference. Il y a un cyborg avec une croix gammée sur le front, à la Charles Manson, là. Ah, voilà. Ah oui. Ouais. Ah oui, il a pas de. Un Kevin Spacey vieux, quoi. On reconnaît pas du tout Hitler, ça, c'est sa petite moustache, du coup. Bah, du coup. Comme quoi, il pourrait revenir chez nous actuellement sans moustache, si ça se peut, il est dans nos rues. Et ben, très bon film là-dessus, qui avait été fait justement par des Allemands sur le retour d'Hitler. Oui, évidemment, bah, je l'ai vu il y a encore pas longtemps, mais il est de retour. Voilà, c'est ça. C'est une comédie, ouais. C'était assez fun. Donc voilà, ils ont pas le droit. Hein. C'est comme pour les zombies dans Carmageddon, hein, pour revenir sur l'Oldies. Là, quel bon jeu. Ouais, c'était excellent. Bon, on fera un test, T4. Et puis, vous avez pas le droit au sang, donc c'est. C'était du sang vert. Ouais, c'était du sang vert. Ça existe encore, quoi, mais bon, c'est plus subtil. C'est marrant, cette censure-là. Et donc après, dans la rubrique musique, on va parler de Cannon Fodder, un jeu qui reste toujours interdit en Allemagne. Encore de nos jours. C'est toujours interdit là-bas, donc ça fait 18 ans, je crois. Ok. Voir plus que ça, même plus 25. Ça m'a donné bien envie, en tout cas, de jouer à ce jeu. Déjà parce que j'aime bien tuer des nazis. Ça, ouais, cet univers. Moi, c'était la partie un peu décevante, mais. Au maître du haut château, là, le roman de Philippe K. Dick, où justement, on a des États-Unis qui sont envahis par les nazis à l'est et les japonais à l'ouest. Et il y a une série là avec James Franco récemment. Et c'est une bonne série, ça, du coup. Qui était. Moi, je me suis un peu fait chier, j'ai un peu lâché au début. Qui tient bien la route aussi niveau histoire, ça pourrait être un truc. Ça peut être sympa. Enfin, quand tu le regardes, tu dis ah ouais, ça pourrait être comme ça. Ouais, c'est crédible. Ouais, c'est crédible. Les Uchronies, c'est jamais évident. Hein. C'est-à-dire quand il y avait pas Octobre Rouge, Command & Conquer qui était sorti, j'avais un ami qui avait dit non mais jamais de la vie les Russes ne seraient arrivés, ils n'auraient jamais conquis s'il y avait. Ah oui. Donc après bon, je te dis ça, c'était quand il est sorti en 94 ou 95 le jeu, et puis je voyais déjà que les Uchronies. Les gens prennent ça très à cœur, donc c'est peut-être pour ça que le mieux c'est quand même Homefront, qui est un des premiers jeux sur Xbox 360 que j'avais eu avec la console, qui est un FPS où le scénar c'est la Corée du Nord qui envahit les États-Unis. Ah bah tiens, c'est bien, c'est complètement improbable, quoi. Ouais, les États-Unis sont un territoire de Nord-Coréen. Peut-être dans quelques. Je suppose qu'ils gagnent à la fin les Américains, non? Les Américains, bah c'était un jeu américain. Ouais, c'est un jeu américain. Il y a la suite. Enfin, bref, allez, vas-y. Bref, enchaîne. Bah on va enchaîner avec une musique vu qu'on a un petit quart d'heure à tirer là. Allez, vu qu'on vous avez remarqué qu'on meuble à fond. Voilà. En fait. Donc du coup, on revient juste après, comme a dit Jack. Je peux faire le test de Evil Within si vous voulez. Tranquille. On revient juste après, donc pour parler de la musique de la semaine. On se retrouve tout de suite après Jane et Dynabit. Music is my way to make it all go. Tick tock time, try to give the tempo. Music is my way to make it all go. I can't stop the clocks, but I can make a rhythm out of it. We are lit by the rhythm, and our hearts beat flow like it's in your jeans. You feel the need to move. Dynamic, you better keep it grooving. Dynamic, beat all the night. Dynamic, you better keep on dancing, dancing now. You better keep it grooving, dynamite beat all the night. Dynamite, you better keep on dancing, dancing now all the night. One for one and one for all, we raise our hands to push away the down. All for one and one for all, we raise our hands to push away the down. When it comes to night, that demons will fly. Love it, I hate it, but you are not out of charts. You have to realize that we are all living. You better keep it grooving, dynamite beat all the night. Dynamite, you better keep on dancing, dancing now all the night. Dynamite, you better keep it grooving, dynamite beat all the night. Dynamite, you better keep on dancing, dancing now all the night. Dynamite, you better keep it grooving. BLE Radio. BLE Radio. BLE Radio. Et on est de retour sur Game Trip FM pour parler jeux vidéo encore en notre compagnie avec Ben et Jack. Et ça va être Ben qui va chaque semaine, comme toutes les deux semaines désormais, hein, Ben va nous parler de ses aventures et péripéties imaginaires. Je dis ça à chaque fois parce que je sais que tu n'aimes pas que je te dise ça. Ah, j'ai oublié de monter ton son. Et mon jingle. Ton jingle. L'histoire au coin du feu. Ah, il y tient à son jingle maintenant. Bah maintenant, faut dire que ça claque. Alors, toi qui t'y connais aussi, ça vient d'où, c'est Cui-Cui? The House Don't Tackle, sorti en 92 ou 93, je crois. Quel talent. 12 meilleurs jeux de l'histoire du monde des jeux vidéo avec Monkey Island, peut-être. J'ai acheté le jeu là, récemment, ça m'a coûté 60 euros, quoi. Ça valait pas le coup de le télécharger à l'époque. ça coûte un bras. Ah, la version. Ouais, la version PC, ouais. Ah, c'est incroyable. J'ai acheté Indiana Jones pour le même prix, quoi. Le Indiana Jones 4. À l'époque, The House Don't Tackle, j'ai acheté 200 francs, hein. Ah, quand même. J'étais en franc à l'époque, j'étais moins cher. C'était en franc à l'époque, vous savez. Alors donc voilà. Comment peut-on appeler cet espace de liberté que je te donne de toutes les deux semaines, puisque tu n'aimes pas les de la bonté. Écoute, les aventures au coin du feu, ça ne te plaît pas visiblement. Bah, je vais revenir sur un truc la semaine prochaine. Ok. Dans deux semaines. Dans deux semaines, on verra. C'est l'anniversaire de la sortie de la Saturne. Oui. Et j'étais un des rares possesseurs de la Saturne. Mmh. Une expérience un peu spéciale. Tout le monde s'est moqué de toi quand je vous parlerai. Ouais, il y a un peu de ça. Donc je vous le tease dans deux semaines. Ouais, c'est vrai. Faisons. Et tu sais quoi? Il faut que je démarre. C'est une chronique spéciale labyrinthe. Et du coup, qu'est-ce que je t'ai mis comme petite musique aujourd'hui? L'émission avec Encarta Mind Maze. Un jeu Encarta. Un truc éducatif, là, c'est ça. Le thème. Encarta Mind Maze. T'aurais pu mettre le chevalier du labyrinthe. Avec un petit instrument médiéval. Là, de bonne aloi. Donc je vais vous parler d'un motif, on peut dire récurrent du jeu vidéo, mais on pourrait même dire un motif fondateur du jeu vidéo, celui du labyrinthe. La semaine dernière, on parlait de jeux qui font peur, de jeux angoissants dans ma chronique. Mm. Mais ce qu'il faut dire, ce qui met le plus nos nerfs de gamers à rude épreuve, c'est probablement les phases labyrinthiques dans les jeux vidéo. On en retrouve partout, hein, sous des formes très diverses. Ça a pas mal évolué... surtout grâce aux améliorations techniques. Et c'est marrant parce que moi j'ai fait des recherches sur le labyrinthe en général pour préparer ma chronique. C'est une énorme masse, hein, d'infos dans toute l'histoire humaine. On retrouve cette forme-là. C'est assez fascinant de voir à quel point c'est présent de toutes les cultures. Dans notre culture occidentale, l'origine, c'est bien sûr le labyrinthe. Le labyrinthe d'Ariane. Le labyrinthe du Minotaure, le fil d'Ariane, Dédale, Thésée, etc. Mais on en retrouve aussi bien dans la culture de l'Égypte antique, bien sûr, le labyrinthe des pyramides, qui est pour objectif de perdre celui qui entre. Et un autre objectif du labyrinthe, ça peut être aussi de distraire celui qui entre ou de se livrer à quelques galanteries coquines, comme les labyrinthes végétaux de la Renaissance. D'ailleurs, formidable habillage musical du coup. Un petit coup de clavecin, ouais. C'est... Ouais. Alors, on a ces labyrinthes, des exemples de labyrinthes concrets, les labyrinthes spatiaux, les labyrinthes végétaux, les pyramides et tout, mais aussi les labyrinthes mentaux, le symbole du labyrinthe, les structures labyrinthiques, dans les romans de Borges ou de Joyce, par exemple, ou représentés en peinture, déjà sur les murs des cavernes du Paléolithique, on en retrouve déjà. Donc, c'est un. Oui, il y a de la recherche. Référence culturelle. Donc, c'est. Le labyrinthe, c'est un peu un reflet, une métaphore de l'esprit humain et de la réflexion. C'est pour ça qu'il exerce autant de fascination. D'ailleurs, il y en avait dans les églises. Souvent, ça représentait un peu la quête vers la spiritualité. Mmh. Et ça a été détruit par l'Église catholique parce que ça exerçait une telle fascination sur les gens. Ouais, ça faisait un peu concurrence à Jesus, quoi. Donc, c'est une figure qui s'est transformée au fil du temps. Et sa forme la plus contemporaine, donc c'est probablement dans le jeu vidéo qu'on la retrouve. Voilà, j'y viens quand même au jeu vidéo. L'égarement physique et mental se conjugue dans l'expérience labyrinthique. L'expérience labyrinthique, en tant que telle, c'est vraiment évoluer dans un labyrinthe. Alors, comme c'est pas très pratique de se faire construire un labyrinthe végétal dans son jardin ou dans sa cave, le jeu vidéo, c'est quand même bien pratique. Bon, là, c'est notre avatar qui est perdu, mais c'est bien notre esprit qui est aux manœuvres et qui subit cette espèce de torture mentale ou de défi aux développeurs, aux créateurs de labyrinthes qu'on se lance, quoi. Alors, on va évoquer quelques jeux où le labyrinthe est présent de façon traditionnelle, hein, parce que sinon, on peut en parler de centaines et centaines de jeux où on se perd, finalement, parce que c'est souvent un peu un des leviers, quoi. Donc, c'est des jeux où vraiment on invite le joueur à la recherche, à la quête. Le level mapping, en général, dans un jeu, voilà, c'est un truc vraiment game design. Labyrinthe, Sinon, des jeux où on recherche son chemin, c'est un peu la base souvent. Oui. Donc, bah, bref. Alors, l'origine que j'ai retrouvée, c'est ça, de 1959 quand même, ça s'appelle Mouse and Maze. Donc, c'est plus comme beaucoup de jeux de l'époque, des petites expériences scientifiques menées par des étudiants sur des espèces d'oscilloscopes bricolés. Mmh. Là, on sait, Jack me dirait que c'est pas ça, mais. C'était avant l'invention. C'était avant l'invention réelle du jeu vidéo. Ouais, c'était vraiment une petite expérience. Donc, tu avais un labyrinthe basique, vu de haut, un peu à la Pac-Man. Et ensuite, en 73, il y a un jeu qui s'appelle Maze War, qui a un peu lancé un courant du Maze Game. Alors, c'était vraiment, c'était une fausse 3D où t'avais des parois, t'avançais dans un labyrinthe, c'est vraiment, tu faisais que ça, quoi. C'est bien commode aussi à l'époque où les possibilités techniques étaient limitées et où le labyrinthe avec ses décors identiques c'était une excuse bien pratique. Alors après on pense aussi à Pac-Man, mais le labyrinthe c'était plus pour freiner l'évolution de ses poursuivants et leur échapper plutôt que de se perdre. Il y a aussi tous les jeux de type Dungeon Crawler, ce qui veut dire littéralement le ramper dans le donjon. Avec une mention particulière, un truc que j'ai trouvé, c'est un passage d'un jeu qui s'appelle Anvil of Dawn, sorti en 95, et le défi final c'est un labyrinthe au mur invisible. Donc chaud vraiment sadique quoi. Il y avait une difficulté à l'époque. Voilà, on savait faire des jeux difficiles et qui rendaient fous. Et par la suite, on a de nombreux exemples plus connus, Doom, avec sa fausse 3D finalement, où on se paumait pas mal. Il y a beaucoup de motifs labyrinthiques et qui figurent d'ailleurs dans le logo de Doom. C'est un labyrinthe. Je ferai attention à ça, tiens. Ouais, j'ai pas capté non plus. Je l'ai lu quelque part. Effectivement, on a des logos de Doom avec des petits chemins labyrinthiques dans les lettres. Dans le premier. Dans le tout premier. Ouais, Doom, original. Ouais, voilà. Avec même une texture un peu de pierre, de circuits imprimés, voilà le labyrinthe aussi et l'ordinateur forcément avec ses circuits imprimés, le cerveau humain avec ses petites veines et tout. Donc le labyrinthe, ça c'est vraiment un motif qui fascine beaucoup, je trouve. D'autres exemples de jeux aussi connus, Myst. Tu te rappelles, John, du labyrinthe sur rail, hein. Puis j'ai failli te mettre ça en musique d'ailleurs. Ça rendait dingue, fallait dessiner toi-même la carte. Il y avait aussi les labyrinthes dans Zelda 1 ou Super Mario 1 et 2 et même dans Super Mario World. Oui. Alors ça, il fallait progresser dans les décors à travers des tableaux similaires dans le bon ordre pour sortir du labyrinthe. Rien donc ça, plein comme ça. Dans le premier Mario, c'était déjà ça, à la fin c'était l'enfer quoi. Tu courais dans le donjon et il fallait faire plateforme du bas, plateforme du haut et t'arrivais à sortir nombreuses crises de nerfs là-dessus. À sortir de ce motif répétitif sans cesse qui est pas un vrai labyrinthe mais qui rend dingue quand même. Ah, je te rendais fou ce truc là. T'avais dans Castlevania aussi où t'avais ça. Bien pratique aussi c'est pour les programmeurs, ça évite de développer des nouveaux environnements, ça peut rallonger un petit peu la durée de vie un peu artificiellement je trouve du jeu. Dans FF7, t'as un labyrinthe qui fait penser aux tableaux de Moritz Cornelis Escher avec ses escaliers monsieur encore une fois, je m'incline. J'allais pas dire MC Escher mais je me suis dit ça fait bizarre MC Escher. Stéphane Escher. Voilà. Et voilà, il se fait penser aussi le labyrinthe du nom de la rose d'Umberto Eco qu'on voit dans le film de Jean-Jacques Hano avec ses escaliers dans tous les sens. Dans Resident Evil 4 aussi, il y a un petit labyrinthe végétal mais qui est super simple. Et en fait, ça permet de dire que là, le labyrinthe, c'est pas pour te perdre. En plus, t'as une carte, donc bon, après ça va. C'est plus que t'as pas de visibilité et qu'en fait, tu peux nicher des petits trésors, des monstres aussi, comme ces bruits inquiétants de chiens mutants qui peuvent survenir à tout moment et ça crée la tension d'une autre manière, quoi. Donc, il y a beaucoup d'exemples de labyrinthes dont le but est de nous rendre fous. Sa forme a évolué au fil des innovations techniques, et jusqu'à créer une sensation presque opposée à celle d'origine, le plaisir de l'errance. Parce que les open world, par exemple, c'est pas vraiment des labyrinthes, quoi. Mais parce que au début, l'écran est tout noir, la carte est toute noire, et quand tu explores, l'ordi te dessine une carte bien détaillée. Tu vois, t'as pas besoin comme avant d'avoir une feuille, un stylo où tu dessines ton labyrinthe. Tu dis, je dessine le labyrinthe pour essayer d'en sortir, et puis t'as plus de place. Tu te trompes dans l'échelle, et du coup, tu te retrouves enfermé dans ta feuille de papier, et tu deviens doublement fou. Tu t'enfermes tout seul. Donc là, dans ces jeux-là, c'est volontairement et non plus pour accomplir une quête ou passer à la suite du jeu que le joueur erre sans but. Par exemple, les terres sauvages de Skyrim, Fallout ou World of Warcraft, les plaines désertiques de Red Dead Redemption ou la ville de GTA, ou aussi le monde onirique de Journey. J'ai quand même cité un jeu indé, c'est que du gros jeu. Journée, on se perd avec bonheur, on se laisse porter. Maintenant, même tous les jeux un peu procéduraux qui créent la map en direct. À chaque partie, c'est une nouvelle map qui est créée par l'ordinateur. Comme Diablo l'avait fait à l'époque, c'était un des premiers qui avait fait ça. Donc le jeu vidéo, support d'immersion par excellence, a littéralement, selon moi, ressuscité les labyrinthes en leur donnant une nouvelle dimension et en offrant la possibilité de les parcourir avec plaisir ou ennui, D'ailleurs, l'équilibre entre les deux n'est pas toujours facile à trouver. Je finis sur cette citation de Guy Debord. Oh, dis donc, ça, j'ai... Oh. Attendez, la formule pour renverser le monde, nous ne l'avons pas trouvée dans des livres, mais en errant. C'est beau. Ah, je m'applaudis. Ah non, là, tu peux. Voilà, on a BLE Radio. BLE Radio. France Culture. France Culture, il est 12h01. Je me souviens que Jean Bolsartre disait... Alors, on va rester sur la culture. Hein. Merci pour cette belle chronique sur l'histoire et les origines, hein, j'ai envie de dire, du labyrinthe, notamment dans le jeu vidéo. Et on va rester sur la culture avec une autre chronique, celle de Jack. Et ça va être une chronique... il reprend ma chronique musicale. Le salopio, il me l'a piqué. Et du coup, de quoi on va parler? On va parler de ça. On peut mettre un commentaire si vous reconnaissez. Hein. C'est un peu funky comme ça. C'est un peu ragamuffin. Un peu joie, oui. D'accord. Et Jack, il voulait parler de ça. Bah ouais, parce que je trouve ça super actuel, la musique est vraiment géniale. Et donc je vais quand même un peu lire mes notes. Hein. Donc deuxième émission, je prends déjà du grade. Donc voilà, je me représente un poil. Je suis gamer, mais je suis également musicien. Et j'ai donc utilisé mes 90 kilos de viande pour négocier avec John afin de présenter la partie musique. J'ai gagné. J'ai cédé rapidement. Et là, du coup, c'est complexe. Hein, finalement, tant de musique, tant de choses à dire, si peu de temps, mais un morceau me saute à la gueule, Cannon Fodder. Et c'est pas un 20 mots, me saute à la gueule parce que c'est un... Alors. Je vais pas tout de suite spoiler le morceau, hein. Déjà parce que bon, dans la communauté Amiga, hein, donc je salue la communauté Amiga pour toujours, hein, s'ils écoutent, voilà. Voilà. Amiga Forever, voilà. Il y a pas d'Atari ici, je vous promets. On reproche systématiquement le manque de communication sur leur machine, mais et surtout, on oublie que certaines musiques sont inoubliables. Hein, tendance à citer l'Atari pour la musique avec le module MIDI. Mais sur Amiga, les modules en général étaient vraiment pas mal. Et c'est le cas de Cannon Fodder. Hein, c'est une musique qui me plaît beaucoup. Si je vous dis reggae, vous pensez à quoi? Non, je vous laisse 15 secondes, allez-y. À Cannabis. Ouais, éventuellement, oui. Bob Marley. À Bob Marley. Et à Cannon Fodder, maintenant. Il faut chercher plus loin. Il faut chercher plus loin. À Jamaïque. Non, c'est, continue, hein, vas-y. Jamaïque. Jamaïque, c'est drogué. Rouge, les lions, le dread blanc. Les Rasta. Les Rasta, les... Lion. Voilà, moi, j'avais Fayadem, Fayadem. J'avais marqué... Cool up. J'avais marqué joie, antifasciste, paix, amour... t'es pas du tout dans le... Non mais voilà, c'est la même chose. Là, on a un bon jeu de guerre avec le morceau War Never Been So Much Fun. Ah bah oui. Donc en français, la guerre est vraiment rigolote et donc voilà, c'est un... Ah, tu sais à quoi ça me fait penser, pardon. C'est ce passage dans... Parce que moi, je suis gros jeu bien mainstream, quoi. Dans Far Cry 3, ouais. Quand tu dois cramer les plants de cannabis des terroristes, et ils te mettent un morceau de reggae, de reggae du fils de Bob Marley, là, Damien Marley. Ah ouais. Ils te mettent un morceau de Damien Marley, t'as un lance-flamme et tu crames les plants de cannabis. En effet, ça me fait penser à ça. Mais tu sais ce que dit un Rastafarien quand il a plus de cannabis? Non. C'est quoi cette musique de merde? Ah, bien vu, quoi. Donc voilà, et bon, alors c'est ma première chronique, alors j'ai oublié de prendre la date de sortie, mais je crois que c'est sorti aux alentours de 94-95. T'inquiète pas, continue, merci. On va la trouver. Et donc voilà, je trouve que la musique, bon, quand tu arrives sur un jeu Amiga, t'as une musique déjà avec de la voix, c'est génial. Et c'est vachement groovy comme truc, c'est-à-dire, tu passerais ça sur une radio, ça passerait, quoi. Ça passe très bien, et ouais. C'est sorti en 93. 93, donc voilà. Hein, et en plus, l'équipe, ils étaient pas très très nombreux, alors de mémoire, je crois que c'est Sensible Software qui a fait ça. C'est ça, exactement, donc qui sont connus pour Sensible World of Soccer. Sensible Soccer, oui, bien sûr. Ils avaient sorti, alors il y a marqué Lemmings là, mais je pense pas que c'est un rapport. Non, c'est parce que c'est Virgin, à mon avis. Ah, d'accord, voilà. Le jeu, t'es vraiment sympa, donc ça serait un jeu en flash, hein, maintenant, c'est-à-dire, c'est un jeu de genre clic, on clique sur des méchants, on leur tire dessus, on peut utiliser des... ils avaient fait Megalomania avant, ça c'était cool aussi parce qu'il y avait déjà des voix, alors à l'époque c'était moi ça me rendait fou quand j'entendais des voix dans un jeu donc c'est bon, en pointy-cliqué, le jeu est pas fou, on perd pas mal de personnages mais c'était relativement beau et assez rigolo, assez fun à jouer, donc je vous encourage si vous avez l'occasion de le faire sur émulation ou même sur le matériel d'origine. C'est vraiment la pochette du jeu qu'on voit là. Ouais, c'est la pochette du jeu avec un coquelicot. On vous dit, la pochette du jeu elle est toute noire avec un coquelicot en plein milieu, c'est marqué Cannon et Fodder en haut et en bas, et ça ressemble à une pochette d'album de reggae justement. Ou de emo. À la limite, de emo des années. Moi j'ai la pochette d'un. Ah non, c'est un fan art de Cannon Fodder. Cannon Fodder 1945. Pour rester un peu dans le. Mais je me souviens de ce jeu, il était bien, il a bien marché. Hein. Ouais. Donc je vais finir avec quelques anecdotes là pour finir, et puis on pourra réécouter la musique pour ceux qui aiment bien. Donc le jeu fait toujours partie, hein, ça veut dire on va rebondir sur Wolfenstein, des programmes interdits en Allemagne. Et toujours aujourd'hui, au moins 18 ans, hein, c'est-à-dire... Moins de 18 ans. Voilà, attendez, moins de 18 ans. Donc bon, à mon avis, si je vais dans une boutique de jeux vidéo en Allemagne, je vais avoir du mal à le trouver. La version Amiga faisait apparaître en ouverture un message « This game is not in any way endorsed by the Royal British Legion ». Donc ce jeu n'est pas soutenu par la... Et je crois qu'ils avaient eu des petits pépins justement avec la Royal British Legion. Alors j'ai pas regardé le reste, mais on peut retrouver facilement, qui ne figure pas sur les autres versions. Et ouais. pour ceux qui me connaissent un petit peu de Facebook et compagnie, j'ai récupéré un Amiga CD32 que je suis très content. Et les versions Amiga CD32 disposent d'une vidéo d'introduction joué par les différents concepteurs du jeu, on les voit en digitalisation dans l'introduction du jeu déjà sur Amiga. Et cette vidéo n'était disponible que pour les rares possesseurs de l'extension Full Motion Video de la console. Ah ouais. Donc c'est le seul jeu de cette machine à utiliser cette extension. Ouais. Ah, c'est à savoir, bien qu'elle ne soit pas nécessaire pour y jouer. Ça valait le coup de l'acheter. Alors l'extension Full Motion Video, parce que moi j'aime bien les trucs un peu pourris, j'en ai acheté une pour le CDI récemment. Celle de CDI, je l'avais trouvée sur un site anglais, une vingtaine d'euros. Celle de la CD32, je crois qu'on est plus dans les 5 ou 600, ouais. Donc je m'en passerai. Je ne suis pas suffisamment fan de Cannon Fodder. Pour un jeu FMV, c'est bien. Voilà, voilà. Après, on pouvait toujours lire les CD de, oui. les CD érotiques, qui étaient un des majeurs trucs qui a fait vendre le CD par brouette entière. De tout temps, les nouvelles technologies sont influencées par le porno, ouais, en général. Effectivement. Le Blu-ray qui a dépassé le HD DVD. Ah, d'accord, ouais, ok. Donc le Cannon Fodder, donc je vous encourage à y rejeter un œil, ne serait-ce qu'à l'introduction. Hein, c'était sorti sur Amiga, c'était également sorti, moi j'ai une version Mega Drive, ça a dû sortir sur d'autres supports, c'est à regarder. 3DO, Jaguar, Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Color, DOS, Atari ST, Archimède, ah ouais, Windows. Ça. Donc un paquet de trucs, et puis la musique dès le départ mettait bien le truc, mettait bien l'ambiance. Quoi. Donc un reggae, un apologie de la guerre, c'est parfait. Merci Sensible Software pour ce jeu. Et merci pour cette première chronique musique, John. Merci à toi. Merci. La guerre n'a jamais été aussi drôle. La musique d'intro de Cannon Fodder. C'était complexé à l'époque quand même. Hein. Eh oui, on savait faire de la bonne musique. Et en parlant de bonne musique, on va continuer. Vous savez, toutes les deux semaines, en fait, dans la playlist de l'émission, hein, tu le sais très bien, Ben, toi qui es là depuis le début, on passe une musique d'un jeu. Une musique qui était dans une playlist de jeux, d'un jeu mythique, d'un jeu qui a été très vendu. Ouais. Aujourd'hui, ça va être une musique des années 80, il me semble. Et c'est une musique d'un jeu... T'en spoil pas, j'essaie de trouver. D'un jeu de voiture. Ah, spoil. J'ai juste dit un jeu de voiture. Oh, Flashback 95.6. On vous fait écouter Amy Holland. Ouais, ouais. She's on fire. C'était dans la playlist de GTA 3. Ah ouais. Dans Flashback 95.6. Ça rend bien. J'adore les musiques années 80 dans les playlists de GTA, quoi. Et bah du coup, celle-là était dans la meilleure playlist, sans doute la meilleure playlist des jeux GTA, et on l'écoute. Amy Holland, et on se retrouve tout de suite après pour parler des oldies. Speed of light. She's on fire with the heat of the beat right beneath her feet. on fire. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Et ça terminait en She's on Fire on Flashback FM. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je croyais que tu étais en train de parler à Siri en même temps. Non, je souffle sur mon téléphone. D'accord. C'est intéressant. De quoi va-t-on parler maintenant? Des oldies, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mine de rien, mais quand même, Game Trip FM, donc on va en parler. Hein. Je vais commencer avec un truc très très con. On l'a mis sur Game Trip la semaine dernière, ça t'a fait rire. Les chaussettes Mudokon. Ah ouais, qui ont été vendus en deux heures. Mudokon, hein, donc oui, les personnages de. De l'Exode d'Abe et de toute la série Abe. Abe Odyssey. Ah, ok. Voilà. Et les Mudokon, donc il y a des. Je ne sais pas qui d'ailleurs. Quel nom formidable. Qui a créé ça. Tu la bouges ta caisse Mudokon, c'était l'intertitre du test qu'on avait fait en 2007. En 2007, subtil. sur Game Trip, si vous voulez aller le relire, c'est sur GameTrip.net évidemment. Les chaussettes Mudokon, je sais plus qui c'est qui a produit ça, mais donc c'était vraiment des chaussettes de Noël, hein, les chaussettes grises dégueulasses avec des petites têtes de Mudokon rouges, vertes, bleues, jaunes, voilà, sur en motif imprimé dessus. C'était vendu en deux heures, même pas. Le temps que je vois le temps que je reçoive le communiqué, que je vois la news, que je la tape et que je la mette en ligne, c'était déjà vendu. Et vu chaussette. Et voilà. Et alors si vous êtes un peu fan de ce genre de goodies, ben peut-être que vous en avez acheté vous-même. Alors sur eBay, à combien ça s'élève maintenant? Alors je ne sais pas. Je pense pas que c'est pour leur vendre parce que c'est vraiment des trucs de true geek, comme on dit, hein. Et voilà, donc chaussette Mudokon édition limitée. Quand t'as édition limitée, il y a des mecs qui font du business derrière. Ouais, édition limitée, ça ne ressortira pas, soi-disant, hein, mais comme ça a été vendu vraiment hyper vite, à mon avis, ils vont refaire une édition. Si vous voulez les voir, allez sur gametrip.net dans notre espace de news et puis vous verrez à quel point c'est fort chatoyant, j'ai envie de dire. On va le regarder ensemble, comme ça vous allez me dire si vous aussi chez vous, vous pouvez taper chaussette Mudokon. Vous voyez, il y a une tête d'Abe, il y a une tête de... comment il s'appelait Je crois que ça va être un peu le deuxième. Fait, ben, c'est plus, après Abe, c'était... Il y a une tête d'Abe mort, une tête d'Abe défoncée. Ouais, mais il y en a un, je sais plus, c'était le nom d'un autre. C'est pas Abe, c'est la deuxième. La suite, c'était pas Abe, c'était... Roger. Le fureur de l'étranger. Pas du tout, ouais, l'étranger, ouais. Bah voilà, c'est l'étranger. Je suis pas amateur de l'Odyssée d'Abe. C'est pas grave. Moi j'ai le vinyle de l'Odyssée d'Abe. Mais c'est pas beau en tout cas. Plus que ton disque, il est magnifique. On en a parlé. Il y a plus de chaussettes, c'est pas grave. Deux émissions. Du coup j'ai dû découper l'étiquette d'édition limitée pour pouvoir l'écouter. Et du coup je leur ai demandé, vous avez pas une autre étiquette à me filer? Non, allez vous faire foutre. Donc, c'est un peu dommage, on peut pas l'écouter si on veut pas. C'est une bonne musique. Et bah d'ailleurs tout à l'heure en rentaine on parlait des chroniques que j'avais fait avant sur la musique. Et la troisième dont je me souvenais plus, c'était sur la musique d'Abe. Et avec cette fabuleuse reprise que Ben avait adorée, je ne sais plus, cette chanteuse qui a repris la chanson de l'Odyssée d'Abe, que tu aimais bien. Voilà, c'est de réécouter les podcasts. Mais oui. Je vais réécouter les podcasts. Oui. Je l'écouterai avec attention. Petite news également sur Doom. Doom, jeu oldie s'il en est. La version Switch qui va sortir. Ah, qui est toute moche, non? Et oui, pour beaucoup de licences, la Switch est un peu l'occasion de faire revivre des anciens épisodes. Mais grave. Faut bien gagner de l'argent sur cette console. Mais ils adaptent plein de jeux sur cette console Nintendo. Alors, Doom, ce qui est assez ouf surtout, c'est que console Nintendo, donc jeu bon enfant pour la famille, mignon, souvent, Zelda, Mario, tout ça. Doom. Doom, il est sorti hier sur la dernière console de Nintendo. Ça fait partie des licences qui revival avec Nintendo. C'était déjà sorti, c'était la version donc qui était sortie l'année dernière sur les consoles dites c'était de dernière génération. Sur Super NES, ça Doom. Hein. Ouais. Assez longtemps après, mais c'était il y a très longtemps ça. En 95, je crois. En fait, celui-là, donc ce Doom-là, qui était déjà sorti sur les consoles next-gen et qui est ressorti là donc hier sur Switch, c'est le remake du premier, du jeu culte de id Software, GameTrip.net pour savoir pourquoi. Le tout premier Doom? Du tout premier. C'est le remake du jeu culte, en fait. Ok. Voilà. Je croyais que c'était le tout dernier, moi. Ah, moi aussi, je pensais que c'était non, ça. Non, je crois pas que c'était celui-là. Bah, si, attends. Non. Attendez. Ne quittez pas. Non, cherche. Il me semble que c'est le premier. Mais de toute façon, la suite, c'est plus ou moins un reboot, reboot remake. Hein. Ah, je sais pas si ça fait une nouvelle version. Le nouveau, c'est un remake. Oui, c'est pas une suite. Très fidèle au. Voilà. Donc, on va dire, c'est un remake. C'est une version pourrie Switch d'un remake du premier jeu. J'ai tellement d'anecdotes sur Doom. Tellement. Parce qu'il y a plein de. Je crois une émission spéciale graphiquement. Il y a l'anecdote. Et alors, quand même. Pourquoi j'en parle, c'est parce que ils ont dévoilé donc Bethesda Software a dévoilé le poids, la taille de cet épisode sur Switch. 17 gigas, je crois. Hein. C'est important. Bah oui, mais c'est important parce que 13,4 gigas. Ouais. C'est important parce que sur cette console, la console, elle embarque un espace de stockage très limité. C'est 40 gigas, je crois. Je ne sais plus. Mais c'est 40 gigas. C'est vraiment limité. Et du coup, il faut acheter une micro SD. Oui. L'utilisation, oui, micro SD, on peut mettre des micro SD sur la Switch. C'est vachement recommandé quand même parce que sinon tu sauvegardes pas, c'est ça? On peut très vite, ouais, on peut très vite avoir un pour un peu que t'aies déjà un ou deux jeux. Ça risque d'être un peu. On revient à l'époque de la PlayStation, faut acheter les memory cards. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est le poids, ça reste celui d'un Legends of Zelda Breath of Wild qui était sorti aussi il y a pas longtemps, ou d'un Skyrim. Pareil, j'arrive pas à comprendre comment on peut jouer à Skyrim sur console et sur Switch, qui plus est sur Switch. voilà, et qui n'a rien à voir avec. Mais j'ai joué à Skyrim sur console. Qui n'a rien à voir avec. Bâtard. Elle est noire. 29 gigas. Oui, Elle est noire aussi va être, mais c'est des jeux qui sont improbables. Qui au passage, Elle est noire, si jamais vous n'avez pas joué au jeu qui était sorti sur PC il y a près de 10 ans déjà, ouais. Il faut à tout prix jouer à ce jeu. C'est mon jeu? Alors c'est un GTA-like. Sauf que mal. Non, PC, c'est un GTA-like. C'était une exclu Microsoft, ça, à la base, non? Absolument pas. C'est une exclu Xbox. Non, parce que c'était sur PC à la base. C'est sorti sur PC avant les consoles. Okay. C'était d'abord un jeu sur PC qui était fait par Take-Two aussi, il me semble. C'était sur Apple II. Non, c'est un GTA-like où tu joues un flic dans la criminelle, dans la prohibition de Chicago. Ouais, les années 20 ou un truc comme ça. Non, à Hollywood. Tu fais des enquêtes. Ouais. Tu fais des enquêtes, sauf que c'était le premier système qui gérait le fait que tu faisais des vraies enquêtes. Donc, tu avais des gens qui venaient à ton bureau, ouais. T'étais un enquêteur, tu parlais avec les gens, et à leur visage, à leur expression corporelle, tu devais définir s'ils mentaient, ils disaient la vérité, et il n'y avait aucune autre indication que c'était joué par des vrais acteurs en motion capture. Et du coup, c'était vachement bien fait dedans. C'était un peu les débuts quand même. Ils disaient, oui, c'est révolutionnaire. Des fois, tu vois les têtes des mecs. Ouais, mais du coup, oui, mais c'était les premiers. C'était vraiment et ça sort premiers. Sur Switch alors, ça. Et ça sort sur Switch. Ah, bah, c'est cool, 10 ans après. Pas évident. Ça sort sur Switch 10 ans après. Il me semble qu'il y a aussi un remake sur PC qui ressort en version plus belle qu'à l'époque et tout ça. Donc, voilà, si vous n'y avez pas joué. Il faut qu'il soit beau. Il faut y jouer. Et n'oublions pas que sur ce. De quoi on parlait là? Je ne sais plus. De Doom. De Doom, voilà. Sur ce Doom, le mode multijoueur n'est pas inclus dans la cartouche qui sera commercialisée en magasin. Et il faudra donc attendre un téléchargement gratuit d'un fichier d'environ 9 gigas supplémentaires, soit 22 gigas pour ce Doom. Ah, attends, je peux balancer mes deux anecdotes sur Doom. Ah, merci. Donc deux anecdotes musicales sur Doom, parce que du coup, ben, c'est quand même mon métier. Alors la première, c'était le nom du batteur de Rammstein, c'est Doom, parce qu'il est vachement balèze à ce jeu-là. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Doom. C'est son vrai nom. Voilà. Et également, qui a fait la musique du premier Doom? De quel groupe est tiré la musique du premier Doom? Non. Van Halen, quoi. Rammstein. Non, il n'existait pas à l'époque. Ouais. Je vais pas vous le chanter parce que ça va pas le faire. Europe. Non. Iron Maiden? Non. C'est un peu plus trash. Non, Iron Maiden. Alors, indice, il fait partie des Big Four of Heavy Metal. Plus récent, pas 80. Non, Black Sabbath. Non. Ah, pas 80. 70 alors. Ils font partie des Big Four of Heavy Metal. Il y a que 4 groupes. Attends, je suis en train de réfléchir. Bah, je vais te donner la réponse parce que. Billy Idol. Alors, ça commence par un S. Scorpion. T'étais presque. Slipknot. Stouss. Pas loin, t'as deux lettres. Stouss. Slayer, les enfants. Slayer. Ah oui, ouais. Ça existait déjà, ouais. Ouais, ça existait déjà. Et en fait, la musique est tirée de Slayer. Alors, ça n'a pas été crédité, mais c'était tiré de Slayer. Donc, c'est pareil, moi, quand j'ai des élèves qui veulent travailler la musique de Doom, je ramène Slayer. C'est pareil, c'était Raining Blood, je crois, le morceau. Eh ben, on essaiera de le mettre dans la programmation dans 2 semaines, tiens. Fantastique. Comme ça, on ça va plaire, ça. Slayer. On pourra faire des trucs transversaux avec la nuit du métal. Sauf que voilà, on a une arme qui empêche le métal, du coup, donc qui fait disparaître le métal. Fait disparaître le métal, donc ça va être compliqué, du coup. Une autre petite news. Alors, ça me plaît bien parce que c'est un truc qui vient de Strasbourg. C'est fondé dans la région de Strasbourg. C'est pour ça que ça le plaît bien. Bah oui, parce que c'est de chez nous. Ouais, c'est vrai. Non, quoi, comment? C'est Alsace, c'est plus c'est ou bien. Moins de chez nous, le Grand Est. C'est chez eux, surtout. On est sur BLE Radio, ici, on n'est pas sur BAE Radio. Oui, d'accord. Regardez, ça s'appelle Super Mighty Power Man. Ça ressemble vachement à Megaman. À Megaman, ça a l'air super classe. Et en fait, ça a été fondé donc dans la région de Strasbourg par deux gars. C'est deux vétérans du développement qui avaient fait, je sais plus, qui avaient été dans des gros... Bah, qui avaient bossé sur Test Drive Unlimited 2. Un des jeux de la franchise Assassin's Creed, Castlevania Dawn of Sorrow, Atlantis 3. Donc quand même, bon, c'est pas des tocards les mecs. Ils ont fondé un nouveau studio qui s'appelle Box Edge Games, qui se lance aujourd'hui, cette semaine, avec ce nouveau jeu, indé. Donc en plus c'est de l'indé, donc je suis content. C'est un jeu d'action plateforme 2D, directement inspiré de Megaman. On le voit très bien sur les screens que je vous montre, que vous ne voyez pas, vous qui êtes chez vous, évidemment. Mais voilà, ça va sortir sur Switch, 3DS, PC, ainsi que sur PS4, Xbox One dans un deuxième temps. Et c'est inspiré de plein de trucs. C'est inspiré de Castlevania, de Contra, de DuckTale, plus récemment de Shovel Knight, qui était déjà une espèce de revival de ces jeux un peu comme ça. Et voilà, c'est vraiment de faire un jeu comme les jeunesses d'époque, qui est vachement crédité Inspiration Megaman, ça se voit complètement, et puis ils s'en cachent pas. Et niveau difficulté, alors ça vaut quoi? Parce que Megaman n'était pas évident. Justement, au niveau difficulté, ils disaient qu'ils essayaient de faire comme à l'époque. Ah merde. Voilà, et du coup, ils risquent de faire un peu, voilà, ils veulent en tout cas faire un peu, voilà, un truc un peu chaud, comme quoi. Du Cuphead. Ouais, mais un truc un peu chaud, peut-être pas comme du Cuphead, mais un peu chaud, en effet, un peu pointu, vraiment pour les fans de l'époque, justement. On y prendra le contrôle donc de Cory, qui est un garçon qui va se retrouver, malgré lui, chargé de défendre la galaxie face aux forces du général Mok, avec l'aide d'un robot nommé Robbie, qu'on voit aussi sur les photos, Robbie, et surtout d'un étrange appareil, le Power Grasp, qui ferait plaisir à Donald Trump. ce dernier fournit au héros des pouvoirs surhumains lui permettant de se mélanger avec d'autres formes de vie. Voilà, il peut. Ah bah, ça ferait pas plaisir à Donald Trump, il a pas très. Il aimerait bien se mélanger avec d'autres formes de vie. Le Power avec des Wasp, lui. Le Power Wasp. Heureusement qu'il a pas dit Power Grasp Them Like the Pussy. Ouais, c'est ça, c'est Power Grasp Them Like the Pussy. Pour la référence, hein. J'avais pas compris. Et voilà, donc le joueur aura la possibilité d'alterner du coup avec 8 différentes formes en graspant d'autres formes de vie, sans doute méca ou humaine, comme, voilà. Et le jeu nous fera traverser des environnements de vous avez vu, hein, de style NES, avec des musiques NES, des musiques 8-16 bits, voilà, avec des petites cinématiques qui font vraiment référence au truc de l'époque, et ça a l'air vachement bien. Les développeurs dévoilent leur titre prochainement avec une future campagne Kickstarter, vu que c'est indépendant, qui va être mise en ligne, et puis il faudra mettre de l'argent dessus, du coup, pour, et à mon avis, ça va être vite funded, comme on dit, financé. Ouais. Voilà, donc ça va être un bon petit jeu qui va sans doute sortir, à mon avis, au courant 2018, voire un peu plus tard, en fonction de l'argent qu'ils auraient récupéré. Et puis j'ai encore une petite news sur Pig Eat Ball. Pig Eat Ball. Alors là, j'ai aussi une petite image pour vous montrer, vous qui êtes ici en studio. Alors en studio, c'est impressionnant, quoi. Les images en vrai 3D, en VR, c'est incroyable. Alors, c'est les yeux qui saignent. Alors vous allez voir, c'est un jeu. Alors franchement, c'est un jeu pour avoir les yeux qui saignent, justement. Moi, je vois le mot régurgiter, ça me plaît déjà, tu vois. Ouais. Je vois même pas ce que je vois là. Eh ben oui, c'est exactement ça. C'est un mélange. Pig Eat Ball. Donc voilà, Pig Eat Ball, c'est un mélange de Pac-Man, de Kirby, de Cuphead et même de Hotline Miami, on dit. D'accord. Alors, donc aucun rapport. Pourquoi pas. C'est pas un jeu, c'est un espèce de, on essaye de faire du 2D pixelisé, tout ça. C'est un peu à contre-courant de ce bordel là, parce que c'est une bouillie de pixels dans tous les sens. On voit pas à quoi ça ressemble. Là sur le screen qu'on a, c'est un espèce de dragon des fêtes chinoises, dragon accordéon, ouais, qui est en train de courir après une espèce de boule, bah justement le Pig Eat Ball là. Ça donne envie, hein, du coup. Qui rebondit un peu dans tous les sens, dans un, alors là on le voit pas, mais c'est du, il y a du rose, il y a du bleu, c'est un peu la tendance rétro-futuriste années 80, justement comme du Hotline Miami, comme Kung Fury ou les trucs là, quoi. Ouais, avec du néon rose, ouais. Un peu qui pique, mais c'est vachement la mode en ce moment, ça. Ouais, et bah du coup c'est, et moi ça me faisait penser un peu à Kirby, parce que en fait c'est un cochon volant rose qui doit avaler les balles des niveaux, bah ouais, un peu comme un Pac-Man, ouais, aussi, qui doit aller dans le niveau, avaler des balles, et en fait le but du jeu, bah, c'est pas de se faire bouffer par cette espèce de truc bizarre qui lui court c'est après. Comme le serpent sur le Nokia 3210, un peu. Comme la femme de Donald Trump. Exactement. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que il faudra régurgiter, donc, tu vois, le contenu de l'estomac de ce Kirby, là, de ce petit cochon, pour mincir quand ce sera nécessaire, pour ainsi passer dans des endroits et tout ça. Ce qui existe dans, c'est une formule de jeu qui existe dans plein de jeux en ce moment. Il y a eu un jeu indépendant qui est sorti il y a pas longtemps où en gros on était une goutte d'eau et il fallait rouler dans de la flotte, ouais, pour grossir ou alors passer au-dessus si de la vapeur vite, pour, tu voilà, perdais des, et tu des perds un peu de des gouttes et voilà, il y a certains endroits où il fallait passer sur une éponge pour mincir un peu, passer dans des endroits et tout, ouais, ça. Il avait l'air bien. Le vomi, c'est intemporel, hein. Et le vomi marche toujours. Déjà dans Dave's Tentacle, Tackle, on en parlait tout à l'heure, il y a un vomi en plastique. Il y a un vomi en plastique qui permet de finir le jeu quasiment. De toute façon, tous les objets sont utiles, mais, ouais, mais ça permet de gagner un prix. Bah, de... Le prix à la fin pour finir le jeu, justement, pour avoir le prix de la beauté avec la momie. Ouais. Tout à la fin. Désolé, on est dans des. C'est un truc que spoil. Je me souviens de ce vomi en plastique, et tu le trouves au tout début. En mettant la baffle de la tentacule qui fait de la musique sur le sol. Voilà, et ça faisait le décoller du plafond et du coup le récupérer. Incroyable. Et oui, c'était. Moi j'avais trouvé du premier coup. Hein. C'était les déductions de l'époque. Non, c'était galère. Et parce qu'il faisait justement de la musique, alors il savait très bien. Ah, j'ai déjà eu un problème de vomi comme ça. Et sa mère qui l'engueulait tout le temps parce qu'il mettait la baffle contre le sol. Puis le vomi au plafond. Exactement. Et du coup, bah voilà, du coup ce jeu, il a l'air bien sympa. Tiens, regarde une autre photo. C'est un espèce de shoot. On est dans un espèce de shoot and up. Imprimé en couleur quand même, espèce ouais, de rapier. Bah oui, mais j'ai plus de couleur. C'est un espèce de shoot and up. On traverse des espèces de tuyaux à la Mario qui s'ouvrent et qui se ferment dans tous les sens. Et on essaye de passer dedans un peu comme les rail shooters d'avion, tu sais, qu'il fallait. Voilà. Et du coup, c'est voilà. Mais tout ça dans un espèce très coloré. Et bah, ça joue en ligne et en local jusqu'à 4 joueurs, donc en plus ça peut être des petites parties bien sympathiques, je pense. Un rail shooter comme Afterburner ou comme Life Force. Comme Life Force. Ah. Life Force. Tu viens de Life Force? Non. Sur. Ça s'appelait Salamander sinon. Ouais, il y avait un gros serpent dans l'espace là, sur la. C'est pas Dragon Fighter, voilà. Ça plutôt. Non, je sais pas. Bon, c'est un shot. On aura fini notre name dropping. Ouais, c'est ça. Ah, mais tu connais pas le jeu là. Et Death Before Christmas là sur Mega Drive. Tu sais, moi quand j'étais à la Fnac en 92, il ouais, y avait Carmageddon avec le sang vert. J'ai joué à Goblins 2 à l'époque avec une souris Amstrad. Et puis... Oui, mais bah ça c'est vrai en plus. Mais voilà, donc Pig Eat Ball, début 2018, PS4, Xbox One et PC. Et c'est aussi un studio, je ne sais plus, mais c'est un studio sans doute indépendant qui fait ça. Je n'ai plus le nom. Mais il n'est pas connu en tout cas. Microsoft. Non, c'est pas connu. Voilà. Tapez sur un site de moteur de recherche. Id Software. Mais non, mais on le mettra. Ah, merde. On mettra dans les news de Game Trip tantôt. Ouais, oui. Et eBay pour les chaussettes là, ça donne rien. Tapez Game Trip dans un moteur de recherche. Taper chaussettes Mudokon. Encore. Moi j'aurais mis Mudokon Socks. Ah ouais, Mudokon. Socks, eBay. Voilà. On va regarder ça ensemble. Ces belles chaussettes dont on vous parlait tout à l'heure, avec les absolument pas, ça n'existe. À mon avis, on va pas trouver. Ah bah, mais plutôt Oddworld. Ouais, je sais pas. À mon avis, on va pas les trouver parce qu'il y en a peu. Il y a vraiment pas eu beaucoup. Ça vient de. Ça, c'était à quelques centaines. Ouais, Oddworld. Oh mon dieu, on tombe sur des trucs pornographiques. Il a tapé chaussettes d'homme. Mon dieu. Ouais, on n'en aura pas, c'est-à-dire même au marché noir ça ne se trouve pas. Et voilà, donc si vous voir, bah, tant mieux pour appelez-nous vous. Appelez-nous et on vous enverra un exemplaire de Call of Duty World Warfare. Exactement. Eh bien, merci à tout le monde d'avoir été là, sauf Jérémy, parce qu'il nous a chié d'ailleurs. Que vous ne verrez plus. Exactement. Merci à toi, Ben, pour cette chronique France Culture sur les labyrinthes de Pan. Très bonne chronique d'ailleurs. Merci, Jack, pour ta culture musicale intacte. Merci de m'avoir laissé faire, surtout. Mais oui, mais tu es le bienvenu. On se retrouve dans 2 semaines, nouveaux horaires, donc comme aujourd'hui, ce sera 2h30, donc désormais 1h30 en notre compagnie, dans 2 semaines la prochaine, et nouveau changement également de concept d'émission, on va dire, hein. On va complètement bouleverser la grille, désormais il y aura beaucoup plus de débats, vous pouvez intervenir, vous pouvez évidemment nous appeler, on peut vous rappeler en direct pour discuter avec nous, on peut évidemment communiquer ensemble sur le hashtag BLE Radio sur Twitter, sur les pages officielles BLE Radio officielle ou GameTrip.net sur Facebook, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on vous mettra les thématiques hein, dans la semaine, d'ici une semaine et demie. Pour savoir de quoi on va parler. Et donc voilà, ce sera maintenant 1h30 de débat ensemble sur les actualités du jeu vidéo récent, pas récent. Et on en parlera comme ça tous ensemble avec sans doute Jérémy s'il n'est pas au fin fond d'une prison. Dans l'état de voilà non, actuellement il est dans l'état de Californie, enfin il est surtout dans un état proche de l'Ohio, ouais, dans un état avancé de décomposition. Wow. Je pense que c'est une canette litchi là pour le libérer, donc ouais, il va falloir envoyer vos dons à Game Trip pour libérer hashtag je veux le hashtag en top tendance hashtag libérer Jérém. On se retrouve donc dans 2 semaines à 11h en direct sur BLE Radio. Merci de nous avoir suivis pour cette 7e édition. À dans 2 semaines. Ciao. Salut. Bye.